26e section des scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoire de deux jeunes mariés, par Honoré de Balzac. 25. René de l'Estorade à Louise de Chaulieu. Octobre. Impertinente. Pourquoi t'aurais-je écrit? Que tu sais-je dit? Durant cette vie animée par les fêtes, par les angoisses de l'amour, par ces colères et par ces fleurs que tu me dépeins et à laquelle j'assiste comme à une pièce de théâtre bien jouée, je mène une vie monotone et réglée à la manière d'une vie de couvent. Nous sommes toujours couchés à 9 heures et levés au jour. Nos repas sont toujours servis avec une exactitude désespérante, pas le plus léger accident. Je me suis accoutumé à cette division du temps et sans trop de peine. Peut-être est-ce naturel. Que serait la vie sans cet assujettissement à des règles fixes qui, selon les astronomes et au dire de Louis, régit le monde? L'ordre ne lasse pas. D'ailleurs, je me suis imposé des obligations de toilette qui me prennent le temps entre mon lever et le déjeuner. Je tiens à y paraître charmante par obéissance à mes devoirs de femme. J'en éprouve du contentement et j'en cause un bien vif au bon vieillard et à Louis. Nous nous promenons après le déjeuner. Quand les journaux arrivent, je disparais pour m'acquitter de mes affaires de ménage ou pour lire, car je lis beaucoup, ou pour t'écrire. Je reviens 1 heure avant le dîner, et après on joue, on a des visites, ou on en fait. Je passe ainsi mes journées entre un vieillard heureux, sans désir, et un homme pour qui je suis le bonheur. Louis est si content que sa joie a fini par réchauffer mon âme. Le bonheur, pour nous, ne doit sans doute pas être le plaisir. Quelquefois, le soir, quand je ne suis pas utile à la partie et que je suis enfoncé dans une bergère, ma pensée est assez puissante pour me faire entrer en toi. J'épouse alors ta belle vie si féconde, si nuancée, si violemment agitée, et je me demande à quoi te mèneront ces turbulentes préfaces. Ne tueront-elles pas le livre? Tu peux avoir les illusions de l'amour, toi, chère mignonne, mais moi, je n'ai plus que les réalités du ménage. Oui, tes amours me semblent un songe. Aussi ai-je de la peine à comprendre pourquoi tu les rends si romanesques. Tu veux un homme qui ait plus d'âme que de sens, plus de grandeur et de vertu que d'amour. Tu veux que le rêve des jeunes filles, à l'entrée de la vie, prenne un corps. Tu demandes des sacrifices pour les récompenser. Tu soumets ton Felipe à des épreuves pour savoir si le désir, si l'espérance, si la curiosité seront durables. Mais, enfant, derrière tes décorations fantastiques s'élève un autel où se prépare un lien éternel. Le lendemain du mariage, le terrible fait qui change la fille en femme et l'amant en mari peut renverser les élégants échafaudages de tes subtiles précautions. Sache donc enfin que deux amoureux, tout aussi bien que deux personnes mariées, comme nous l'avons été, Louis et moi, vont chercher sous les joies d'une noce, selon le mot de Rabelais, un grand « peut-être ». Je ne te blâme pas, quoique ce soit un peu léger, de causer avec Don Felipe au fond du jardin, de l'interroger, de passer une nuit à ton balcon, lui sur le mur. Mais tu joues avec la vie, enfant, et j'ai peur que la vie ne joue avec toi. Je n'ose pas te conseiller ce que l'expérience me suggère pour ton bonheur. Mais laisse-moi te répéter encore, du fond de ma vallée, que le viatique du mariage est dans ces mots. Résignation et dévouement. Car, je le vois, malgré tes épreuves, malgré tes coquetteries et tes observations, tu te marieras absolument comme moi. En étendant le désir, on creuse un peu plus profondément le précipice. Voilà tout. Oh, comme je voudrais voir le baron de Macumer et lui parler pendant quelques heures, tant je te souhaite de bonheur. Fin de la 26e section. 27e section des scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoire de deux jeunes mariés, par Honoré de Balzac. 26. Louise de Macumer à René de l'Estorade. Mars 1825. Comme Felipe réalise avec une générosité de sarrasin les plans de mon père et de ma mère, en me reconnaissant ma fortune sans la recevoir, la duchesse est devenue encore meilleure femme avec moi qu'auparavant. Elle m'appelle « petite rusée »,« petite commère ». Elle me trouve le bec affilé. « Mais, chère maman, lui ai-je dit la veille de la signature du contrat, vous attribuez à la politique, à la ruse, à l'habileté, les effets de l'amour le plus vrai, le plus naïf, le plus désintéressé, le plus entier qui fut jamais. Sachez donc que je ne suis pas la commère pour laquelle vous me faites l'honneur de me prendre. Allons donc, Armande, me dit-elle en me prenant par le cou, m'attirant à elle et me baisant au front. Tu n'as pas voulu retourner au couvent. Tu n'as pas voulu rester fille, et en grande, en belle Chaulieu que tu es, tu as senti la nécessité de relever la maison de ton père. Si tu savais, René, ce qu'il y a de flatterie dans ce mot pour le duc, qui nous écoutait. Je t'ai vu, pendant tout un hiver, fourrant ton petit museau dans tous les quadrilles, jugeant très bien les hommes et devinant le monde actuel en France. Aussi as-tu avisé le seul Espagnol capable de te faire la belle vie d'une femme maîtresse chez elle. Ma chère petite, tu l'as traitée comme Tullia traite ton frère. « Quelle école que le couvent de ma sœur !» s'est écrié mon père. Je jetai sur mon père un regard qui lui coupa net la parole. Puis je me suis retourné vers la duchesse et lui ai dit « Madame, j'aime mon prétendu. « Philippe de Soria, de toutes les puissances de mon âme. Quoique cet amour ait été très involontaire et très combattu quand il s'est levé dans mon cœur, je vous jure que je ne m'y suis abandonné qu'au moment où j'ai reconnu dans le baron de Macumer une âme digne de la mienne, un cœur en qui les délicatesses, les générosités, le dévouement, le caractère et les sentiments étaient conformes aux miens. Mais, ma chère, a-t-elle repris en m'interrompant. « Il est laid comme... »« Comme tout ce que vous voudrez, » dis-je vivement, « mais j'aime cette laideur. » « Tiens, Armande, » me dit mon père, « si tu l'aimes et si tu as eu la force de maîtriser ton amour, tu ne dois pas risquer ton bonheur. Or, le bonheur dépend beaucoup des premiers jours du mariage. » « Et pourquoi ne pas lui dire des premières nuits ?» s'écria ma mère. « Laissez-nous, monsieur, » ajouta la duchesse, en regardant mon père. « Tu te maries dans 3 jours, ma chère petite, » me dit ma mère à l'oreille. « Je dois donc te faire maintenant, sans pleurnicherie bourgeoise, les recommandations sérieuses que toutes les mères font à leurs filles. Tu épouses un homme que tu aimes. Ainsi, je n'ai pas à te plaindre, ni à me plaindre moi-même. Je ne t'ai vu que depuis 1 an. Si ce fut assez pour t'aimer, ce n'est pas non plus assez pour que je fonde en larmes en regrettant ta compagnie. Ton esprit a surpassé ta beauté. Tu m'as flattée dans mon amour propre de mère, et tu t'es conduite en bonne et aimable fille. Aussi me trouveras-tu toujours excellente mère. Tu souris? Hélas! Souvent, là où la mère et la fille ont bien vécu, les deux femmes se brouillent. Je te veux heureuse. Écoute-moi donc. L'amour que tu ressens est un amour de petite fille, l'amour naturel à toutes les femmes qui sont nées pour s'attacher à un homme. Mais, hélas, ma petite, il n'y a qu'un homme dans le monde pour nous, il n'y en a pas deux. Et celui que nous sommes appelés à chérir n'est pas toujours celui que nous avons choisi pour mari, tout en croyant l'aimer. Quelque singulière que puissent te paraître mes paroles, médite-les. Si nous n'aimons pas celui que nous avons choisi, la faute en est et à nous et à lui, quelquefois à des circonstances qui ne dépendent ni de nous ni de lui. Et néanmoins, rien ne s'oppose à ce que ce soit l'homme que notre famille nous donne, l'homme à qui s'adresse notre cœur, qui soit l'homme aimé. La barrière qui plus tard se trouve entre nous et lui s'élève souvent par un défaut de persévérance qui vient et de nous et de notre mari. Faire de son mari son amant est une œuvre aussi délicate que celle de faire de son amant son mari. Et tu viens de t'en acquitter à merveille. Eh bien, je te le répète, je te veux heureuse. Songe donc dès à présent que dans les 3 premiers mois de ton mariage, tu pourrais devenir malheureuse si, de ton côté, tu ne te soumettais pas au mariage avec l'obéissance, la tendresse et l'esprit que tu as déployés dans tes amours. Car, ma petite commère, tu t'es laissée aller à tous les innocents bonheurs d'un amour clandestin. Si l'amour heureux commençait pour toi par des désenchantements, par des déplaisirs, par des douleurs même, eh bien, viens me voir. N'espère pas trop d'abord du mariage. Il te donnera peut-être plus de peine que de joie. Ton bonheur exige autant de culture qu'en a exigé l'amour. Enfin, si par hasard tu perdais l'amant, tu retrouverais le père de tes enfants. Là, ma chère enfant, est toute la vie sociale. Sacrifie tout à l'homme dont le nom est le tien, dont l'honneur, dont la considération ne peuvent recevoir la moindre atteinte qui ne fasse chez toi la plus affreuse brèche. Sacrifier tout à son mari n'est pas seulement un devoir absolu pour des femmes de notre rang, mais encore le plus habile calcul. Le plus bel attribut des grands principes de morale, c'est d'être vrai et profitable de quelque côté qu'on les étudie. En voilà bien assez pour toi. Maintenant, je te crois encline à la jalousie. Et moi, ma chère, je suis jalouse aussi. Mais je ne te voudrais pas sottement jalouse. Écoute. La jalousie qui se montre ressemble à une politique qui mettrait carte sur table. Se dire jalouse, le laisser voir, n'est-ce pas montrer son jeu? Nous ne savons rien, alors, du jeu de l'autre. En toute chose, nous devons savoir souffrir en silence. J'aurai d'ailleurs, avec Macumer, un entretien sérieux à propos de toi, la veille de votre mariage. J'ai pris le beau bras de ma mère et lui ai baisé la main en y mettant une larme que son accent avait attirée dans mes yeux. J'ai deviné dans cette haute morale, digne d'elle et de moi, la plus profonde sagesse, une tendresse sans bigoterie sociale, et surtout une véritable estime de mon caractère. Dans ses simples paroles, elle a mis le résumé des enseignements que sa vie et son expérience lui ont peut-être chèrement vendus. Elle fut touchée et me dit en me regardant « Chère fillette, tu vas faire un terrible passage. » Et la plupart des femmes ignorantes ou désabusées sont capables d'imiter le comte de Westmoreland. Nous nous mîmes à rire. Pour t'expliquer cette plaisanterie, je dois te dire qu'à table, la veille, une princesse russe nous avait raconté qu'en sa qualité de ministre anglais, le comte de Westmoreland était si instruit qu'ayant énormément souffert du mal de mer pendant le passage de la Manche et voulant aller en Italie, il tourna bride et revint quand on lui parla du passage des Alpes. « J'ai assez de passages comme cela, dit-il. Tu comprends, René, que ta sombre philosophie et la morale de ma mère étaient de nature à réveiller les craintes qui nous agitaient à Blois. Plus le mariage approchait, plus j'amassais en moi de force, de volonté, de sentiment pour résister au terrible passage de l'état de jeune fille à l'état de femme. Toutes nos conversations me revenaient à l'esprit. Je relisais tes lettres et j'y découvrais je ne sais quelle mélancolie cachée. Ces appréhensions ont eu le mérite de me rendre la fiancée vulgaire des gravures et du public. Aussi, le monde m'a-t-il trouvée charmante et très convenable le jour de la signature du contrat. Ce matin, à la mairie où nous sommes allés sans cérémonie, il n'y a eu que les témoins. Je te finis ce bout de lettre pendant que l'on apprête ma toilette pour le dîner. nous serons mariés à l'église de Sainte-Valère, ce soir à minuit, après une brillante soirée. J'avoue que mes craintes me donnent un air de victime et une fausse pudeur qui me vaudront des admirations auxquelles je ne comprends rien. Je suis ravi de voir mon pauvre Felipe tout aussi jeune fille que moi. Le monde le blesse, il est comme une chauve-souris dans une boutique de cristaux. Heureusement que cette journée a un lendemain, m'a-t-il dit à l'oreille sans y entendre malice. Il n'aurait voulu voir personne, tant il est honteux et timide. En venant signer notre contrat, l'ambassadeur de Sardaigne m'a pris à part pour m'offrir un collier de perles attaché par 6 magnifiques diamants. C'est le présent de ma belle-sœur, la duchesse de Soria. Ce collier est accompagné d'un bracelet de saphir, sous lequel est écrit « Je t'aime sans te connaître ». Deux lettres charmantes enveloppaient ces présents que je n'ai pas voulu accepter, sans savoir si Felipe me le permettait. « Car, lui ai-je dit, je ne voudrais vous rien voir qui ne vînt de moi. » Il m'a baisé la main tout attendri et m'a répondu « Portez-les, à cause de la devise et de ces tendresses qui sont sincères. » Samedi soir. Voici donc, ma pauvre Renée, les dernières lignes de la jeune fille. Après la messe de minuit, nous partirons pour une terre que Felipe a, par une délicate attention, achetée en Nivernais, sur la route de Provence. Je me nomme déjà Louise de Macumer, mais je quitte Paris dans quelques heures en Louise de Chaulieu. De quelque façon que je me nomme, il n'y aura jamais pour toi que Louise. Fin de la 27e section. Vingt-huitième section des scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scène de la vie privée, tome 2, Mémoire de deux jeunes mariés par Honoré de Balzac. 27. Louise de Macumer à René de l'Estorade. Octobre 1825. Je ne t'ai plus rien écrit, cher, depuis le mariage de la mairie, et voici bientôt 8 mois. Quant à toi, pas un mot. Cela est horrible, madame. Eh bien, nous sommes donc partis en poste pour le château de Chantepleurs, la terre achetée par Macumer en Nivernais, sur les bords de la Loire, à 60 lieues de Paris. Nos gens, moins ma femme de chambre, y étaient déjà, nous attendaient, et nous y sommes arrivés avec une excessive rapidité, le lendemain soir. J'ai dormi depuis Paris jusqu'au-delà de Montargis. La seule licence qui ait prise mon seigneur et maître a été de me soutenir par la taille et de tenir ma tête sur son épaule, où il avait disposé plusieurs mouchoirs. Cette attention quasi maternelle qui lui faisait vaincre le sommeil m'a causé je ne sais quelle émotion profonde. Endormi sous le feu de ses yeux noirs, je me suis réveillé sous leur flamme. Même ardeur, même amour. Mais des milliers de pensées avaient passé par là. Il avait baisé 2 fois mon front. Nous avons déjeuné dans notre voiture, à Briard. Le lendemain soir, à 7h30, après avoir causé comme je causais avec toi à Blois, admirant cette Loire que nous y admirions, nous entrions dans la longue et belle avenue de tilleuls, d'acacias, de sycomores et de mélèzes qui mènent à Chantepleurs. À 8h nous dînions, à 10h nous étions dans une charmante chambre gothique, embellie de toutes les inventions du luxe moderne. Mon Felipe, que tout le monde trouve laid, m'a semblé bien beau, beau de bonté, de grâce, de tendresse, d'exquise délicatesse. Des désirs de l'amour, je ne voyais pas la moindre trace. Pendant la route, il s'était conduit comme un ami que j'aurais connu depuis 15 ans. Il m'a peint comme il sait peindre, il est toujours l'homme de sa première lettre, les effroyables orages qu'il a contenus et qui venaient mourir à la surface de son visage. Jusqu'à présent, il n'y a rien de bien effrayant dans le mariage, dis-je en allant à la fenêtre et voyant par une lune superbe un délicieux parc d'où s'exhalaient de pénétrantes odeurs. Il est venu près de moi, m'a reprise par la taille et m'a dit « Et pourquoi s'en effrayer ? » Ai-je démenti par un geste, par un regard, mes promesses ? Les démentirai-je un jour ? Jamais voix, jamais regard n'auront pareille puissance. La voix me remuait les moindres fibres du corps et réveillait tous les sentiments. Le regard avait une force solaire. « Oh ! Lui ai-je dit, combien de perfidies mauresques n'y a-t-il pas dans votre perpétuel esclavage ? » Ma chère, il m'a comprise. Ainsi, belle biche, si je suis restée quelques mois sans t'écrire, tu devines maintenant pourquoi. Je suis forcée de me rappeler l'étrange passé de la jeune fille pour t'expliquer la femme. Renée, je te comprends aujourd'hui. Ce n'est ni à une amie intime, ni à sa mère, ni peut-être à soi-même, qu'une jeune mariée heureuse peut parler de son heureux mariage. Nous devons laisser ce souvenir dans notre âme comme un sentiment de plus qui nous appartient en propre et pour lequel il n'y a pas de nom. Comment ? On a nommé un devoir les gracieuses folies du cœur et l'irrésistible entraînement du désir. Et pourquoi ? Quelle horrible puissance a donc imaginé de nous obliger à fouler les délicatesses du goût, les mille pudeurs de la femme, en convertissant ses voluptés en devoirs ? Comment peut-on devoir ces fleurs de l'âme, ces roses de la vie, ces poèmes de la sensibilité exaltée à un être qu'on n'aimerait pas ? Des droits dans de telles sensations ? Mais elles naissent et s'épanouissent au soleil de l'amour, où leurs germes se détruisent sous les froideurs de la répugnance et de l'aversion. À l'amour d'entretenir de tels prestiges ? Ô ma sublime Renée, je te trouve bien grande maintenant. Je plie le genou devant toi, je m'étonne de ta profondeur et de ta perspicacité. Oui, la femme qui ne fait pas, comme moi, quelque secret mariage d'amour caché sous les noces légales et publiques, doit se jeter dans la maternité comme une âme à qui la terre manque, se jette dans le ciel. De tout ce que tu m'as écrit, il ressort un principe cruel. Il n'y a que les hommes supérieurs qui sachent aimer. Je sais aujourd'hui pourquoi. L'homme obéit à deux principes. Il se rencontre en lui le besoin et le sentiment. Les êtres inférieurs ou faibles prennent le besoin pour le sentiment, tandis que les êtres supérieurs couvrent le besoin sous les admirables effets du sentiment. Le sentiment leur communique par sa violence une excessive réserve et leur inspire l'adoration de la femme. Évidemment, la sensibilité se trouve en raison de la puissance des organisations intérieures, et l'homme de génie est alors le seul qui se rapproche de nos délicatesses. Il entend, devine, comprend la femme. Il l'élève sur les ailes de son désir contenu par les timidités du sentiment. Aussi, lorsque l'intelligence, le cœur et les sens également ivres nous entraînent, n'est-ce pas sur la terre que l'on tombe ? On s'élève alors dans les sphères célestes, et malheureusement, on n'y reste pas assez longtemps. Telle est, ma chère âme, la philosophie des trois premiers mois de mon mariage. Felipe est un ange. Je puis penser tout haut avec lui. Sans figure de rhétorique, il est un autre moi. Sa grandeur est inexplicable. Il s'attache plus étroitement par la possession et découvre dans le bonheur de nouvelles raisons d'aimer. Je suis pour lui la plus belle partie de lui-même. Je le vois. Des années de mariage, loin d'altérer l'objet de ses délices, augmenteront sa confiance, développeront de nouvelles sensibilités et fortifieront notre union. Quel heureux délire ! Mon âme est ainsi faite que les plaisirs laissent en moi de fortes lueurs. Ils me réchauffent, ils s'empreignent dans mon être intérieur. L'intervalle qui les sépare est comme la petite nuit des grands jours. Le soleil qui adorait les cimes à son coucher les retrouve presque chaudes à son lever. Par quel heureux hasard en a-t-il été pour moi sur le champ ainsi? Ma mère avait éveillé chez moi mille craintes. Ses prévisions, qui m'ont semblé pleines de jalousie, quoique sans la moindre petitesse bourgeoise, ont été trompées par l'événement. Car tes craintes et les siennes, les miennes, tout s'est dissipé. Nous sommes restés à Chantepleurs 7 mois et demi, comme deux amants dont l'un a enlevé l'autre, et qui ont fui des parents courroucés. Les roses du plaisir ont couronné notre amour, et elles fleurissent notre vie à deux. Par un retour subit sur moi-même, un matin où j'étais plus pleinement heureuse, j'ai songé à ma Renée et à son mariage de convenance, et je devinais ta vie, je l'ai pénétrée. Ô mon ange, pourquoi parlons-nous une langue différente? Ton mariage purement social et mon mariage qui n'est qu'un amour heureux sont deux mondes qui ne peuvent pas plus se comprendre que le fini ne peut comprendre l'infini. Tu restes sur la terre, je suis dans le ciel. Tu es dans la sphère humaine et je suis dans la sphère divine. Je règne par l'amour, tu règnes par le calcul et par le devoir. Je suis si haut que s'il y avait une chute, je serais brisé en mille miettes. Enfin, je dois me taire, car j'ai honte de te peindre l'éclat, la richesse, les pimpantes joies d'un pareil printemps d'amour. Vendredi matin. Renée, ma belle sainte, mon bonheur me ramène sans cesse à toi. Je me sens meilleur pour toi que je ne l'ai jamais été. Je te suis si dévouée. J'ai si profondément étudié ta vie conjugale par le commencement de la mienne, et je te vois si grande, si noble, si magnifiquement vertueuse, que je me constitue ici ton inférieur, ta sincère admiratrice, en même temps que ton amie. En voyant ce qu'est mon mariage, il m'est à peu près prouvé que je serais morte s'il en eût été autrement. Et tu vis. Par quel sentiment, dis-le-moi. Aussi ne le ferai-je plus la moindre plaisanterie. Hélas, la plaisanterie, mon ange, est fille de l'ignorance. On se moque de ce qu'on ne connaît point. Là où les recrues se mettent à rire, les soldats éprouvés sont graves, m'a dit le marquis de Chaulieu, pauvre capitaine de cavalerie qui n'est encore allé que de Paris à Fontainebleau et de Fontainebleau à Paris. Aussi, ma chère aimée, devinai-je que tu ne m'as pas tout dit. Oui, tu m'as voilé quelques plaies. Tu souffres, je le sens. Je me suis fait à propos de toi des romans d'idées en voulant à distance et par le peu que tu m'as dit de toi trouver les raisons de ta conduite. Elle s'est seulement essayée au mariage, pensais-je un soir, et ce qui se trouve bonheur pour moi n'a été que souffrance pour elle. Elle en est pour ses sacrifices et veut limiter leur nombre. Elle a déguisé ses chagrins sous les pompeux axiomes de la morale sociale. Ah, Renée, il y a cela d'admirable, que le plaisir n'a pas besoin de religion, d'appareil, ni de grands mots. Il est tout par lui-même, tandis que, pour justifier les atroces combinaisons de notre esclavage et de notre vassalité, les hommes ont accumulé les théories et les maximes. Si tes immolations sont belles, sont sublimes. Mon bonheur, abrité sous le poêle blanc et or de l'Église et paraffé par le plus maussade des mères, serait donc une monstruosité? Pour l'honneur des lois, pour toi, mais surtout pour rendre mes plaisirs entiers, je te voudrais heureuse, ma Renée. Oh, dis-moi que tu te sens venir au cœur un peu d'amour pour ce Louis qui t'adore. Dis-moi que la torche symbolique et solennelle de l'Hyménée n'a pas servi qu'à t'éclairer des ténèbres. Car l'amour, mon ange, est bien exactement pour la nature morale ce qu'est le soleil pour la terre. Je reviens toujours à te parler de ce jour qui m'éclaire et qui, je le crains, me consumera. Chère Renée, toi qui disais dans tes extases d'amitié, sous le berceau de vigne, au fond du couvent, « Je t'aime tant, Louise, que si Dieu se manifestait, je lui demanderais toutes les peines et pour toi à toutes les joies de la vie. Oui, j'ai la passion de la souffrance. Eh bien, ma chérie, aujourd'hui je te rends la pareille et demande à grands cris à Dieu de nous partager mes plaisirs. Écoute, j'ai deviné que tu t'es faite ambitieuse sous le nom de Louise de l'Estorade. Eh bien, aux prochaines élections, fais-le nommer député, car il aura près de 40 ans, et comme la Chambre ne s'assemblera que 6 mois après les élections, il se trouvera précisément de l'âge requis pour être un homme politique. Tu viendras à Paris, je ne te dis que cela. Mon père et les amis que je vais me faire vous apprécieront, et si ton vieux beau-père veut constituer un majorat, nous t'obtiendrons le titre de comte pour Louis. Ce sera déjà cela. Enfin, nous serons ensemble. Fin de la 28e section. Vingt-neuvième section des scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoire de deux jeunes mariés, par Honoré de Balzac. 28. René de l'Estorade à Louise de Macumer. Décembre 1825. Ma bienheureuse Louise, tu m'as ébloui. J'ai pendant quelques instants tenu ta lettre où quelques-unes de mes larmes brillaient au soleil couchant, les bras lassés, seul sous le petit rocher aride au bas duquel j'ai mis un banc. Dans un énorme lointain, comme une lame d'acier, reluit la Méditerranée. Quelques arbres d'oriférans ombragent ce banc où j'ai fait transplanter un énorme jasmin, des chèvrefeuilles et des genêts d'Espagne. Quelques jours, le rocher sera couvert en entier par des plantes grimpantes. Il y a déjà de la vigne vierge de plantée. Mais l'hiver arrive, et toute cette verdure est devenue comme une vieille tapisserie. Quand je suis là, personne ne m'y vient troubler. On sait que j'y veux rester seul. Ce banc s'appelle le banc de Louise. N'est-ce pas te dire que je n'y suis point seul, quoique seul? Si je te raconte ces détails, si menus pour toi, si je te peins ce verdoyant espoir qui, par avance, habille ce rocher nu, sourcilleux, sur le haut duquel le hasard de la végétation a placé l'un des plus beaux pins en parasol, c'est que j'ai trouvé là des images auxquelles je me suis attaché. En jouissant de ton heureux mariage, et pourquoi ne t'avouerai-je pas tout, en l'enviant de toutes mes forces, j'ai senti le premier mouvement de mon enfant qui, des profondeurs de ma vie, a réagi sur les profondeurs de mon âme. Cette sourde sensation, à la fois un avis, un plaisir, une douleur, une promesse, une réalité. Ce bonheur qui n'est qu'à moi dans le monde et qui reste un secret entre moi et Dieu, ce mystère m'a dit que le rocher serait un jour couvert de fleurs, que les joyeux rires d'une famille y retentiraient, que mes entrailles étaient enfin bénies et donneraient la vie à flot. Je me suis sentie née pour être mère. Aussi la première certitude que j'ai eue de porter en moi une autre vie m'a-t-elle donné de bienfaisantes consolations. Une joie immense a couronné tous ces longs jours de dévouement qui ont fait déjà la joie de Louis. Dévouement, me suis-je dit à moi-même, n'es-tu pas plus que l'amour? N'es-tu pas la volupté la plus profonde parce que tu es une abstraite volupté, la volupté génératrice? N'es-tu pas, ô dévouement, la faculté supérieure à l'effet? N'es-tu pas la mystérieuse, l'infatigable divinité cachée, sous les sphères innombrables, dans un centre inconnu, par où passent tour à tour tous les mondes? Le dévouement, seul dans son secret, plein de plaisirs savourés en silence, sur lesquels personne ne jette un œil profane et que personne ne soupçonne. Le dévouement, Dieu jaloux et accablant, Dieu vainqueur et fort, inépuisable parce qu'il tient à la nature même des choses et qu'il est ainsi toujours égal à lui-même, malgré l'épanchement de ses forces, le dévouement. Voilà donc la signature de ma vie. » L'amour, Louise, est un effort de Felipe sur toi. Mais le rayonnement de ma vie sur la famille produira une incessante réaction de ce petit monde sur moi. Ta belle moisson dorée est passagère, mais la mienne, pour être retardée, n'en sera-t-elle pas plus durable? Elle se renouvellera de moment en moment. L'amour est le plus joli larcin que la société ait su faire à la nature. Mais la maternité, n'est-ce pas la nature dans sa joie? Un sourire a séché mes larmes. L'amour rend mon Louis heureux. Mais le mariage m'a rendue mère, et je vais être heureuse aussi. Je suis alors revenue à pas lents à ma Bastide blanche au volet vert pour t'écrire ceci. Donc, cher, le fait le plus naturel et le plus surprenant chez nous s'est établi chez moi depuis 5 mois. Mais je puis te dire tout bas qu'il ne trouble en rien ni mon cœur ni mon intelligence. Je les vois tous heureux. Le futur grand-père empiète sur les droits de son petit-fils. Il est devenu comme un enfant. Le père prend des airs graves et inquiets. Tous sont aux petits soins pour moi. Tous parlent du bonheur d'être mère. Hélas, moi seul, je ne sens rien et n'ose dire l'état d'insensibilité parfaite où je suis. Je mens un peu pour ne pas attrister leur joie, comme il m'est permis d'être franche avec toi. Je t'avoue que, dans la crise où je me trouve, la maternité ne commence qu'en imagination. Louis a été aussi surpris que moi-même d'apprendre ma grossesse. N'est-ce pas te dire que cet enfant est venu de lui-même, sans avoir été appelé autrement que par les souhaits impatiemment exprimés de son père? Le hasard, ma chère, est le dieu de la maternité. Quoique, selon notre médecin, ces hasards soient en harmonie avec le vœu de la nature, il ne m'a pas nié que les enfants qui se nomment si gracieusement les enfants de l'amour devaient être beaux et spirituels, que leur vie était souvent comme protégée par le bonheur qui avait rayonné, brillante étoile, à leur conception. Peut-être donc, ma Louise, auras-tu dans ta maternité des joies que je dois ignorer dans la mienne. Peut-être aime-t-on mieux l'enfant d'un homme adoré, comme tu adores Felipe, que celui d'un mari qu'on épouse par raison, à qui l'on se donne par devoir, et pour être femme enfin. Ces pensées gardées au fond de mon cœur ajoutent à ma gravité de mère en espérance. Mais, comme il n'y a pas de famille sans enfants, mon désir voudrait pouvoir hâter le moment où pour moi commenceront les plaisirs de la famille, qui doivent être ma seule existence. En ce moment, ma vie est une vie d'attente et de mystère, où la souffrance la plus nauséabonde accoutume sans doute la femme à d'autres souffrances. Je m'observe. Malgré les efforts de Louis, dont l'amour me comble de soins, de douceur, de tendresse, j'ai de vagues inquiétudes auxquelles se mêlent les dégoûts, les troubles, les singuliers appétits de la grossesse. Si je dois te dire les choses comme elles sont, au risque de te causer quelques déplaisances pour le métier, je t'avoue que je ne conçois pas la fantaisie que j'ai prise pour certaines oranges, goût bizarre, et que je trouve naturel. Mon mari va me chercher à Marseille les plus belles oranges du monde. Il en a demandé de Malte, de Portugal, de Corse. Mais ces oranges, je les laisse. Je cours à Marseille, quelquefois à pied, y dévorer de méchantes oranges à un liard, quasi pourri, dans une petite rue qui descend au port, à 2 pas de l'hôtel de ville. Et leurs moisissures bleuâtres ou verdâtres brillent à mes yeux comme des diamants. J'y vois des fleurs. Je n'ai nul souvenir de leur odeur cadavéreuse et leur trouve une saveur irritante, une chaleur vineuse, un goût délicieux. Eh bien, mon ange, voilà les premières sensations amoureuses de ma vie. Ces affreuses oranges sont mes amours. Tu ne désires pas, Felipe, autant que je souhaite un de ces fruits en décomposition. Enfin, je sors quelquefois furtivement. Je galope à Marseille d'un pied agile, et il me prend des tressaillements voluptueux quand j'approche de la rue. J'ai peur que la marchande n'ait plus d'oranges pourries. Je me jette dessus, je les mange, je les dévore en plein air. Il me semble que ces fruits viennent du paradis et contiennent la plus suave nourriture. J'ai vu Louis se détournant pour ne pas sentir leur puanteur. Je me suis souvenu que cette atroce phrase d'Obermann, sombre élégie que je me repens d'avoir lue, « Les racines s'abreuvent dans une eau fétide. Depuis que je mange de ces fruits, je n'ai plus de maux de cœur et ma santé s'est rétablie. Ces dépravations ont un sens. Puisqu'elles sont un effet naturel et que la moitié des femmes éprouvent ces envies monstrueuses quelquefois. Quand ma grossesse sera très visible, je ne sortirai plus de la crampade. Je n'aimerais pas être vue ainsi. » Je suis excessivement curieuse de savoir à quel moment de la vie commence la maternité. Ce ne saurait être au milieu des effroyables douleurs que je redoute. Adieu, mon heureuse, adieu, toi en qui je renais et par qui je me figure ces belles amours, ces jalousies à propos d'un regard, ces mots à l'oreille et ces plaisirs qui nous enveloppent comme une autre atmosphère, un autre sang, une autre lumière, une autre vie. Ah, mignonne, moi aussi je comprends l'amour. Ne te lasse pas de me tout dire. Tenons bien nos conventions. Moi, je ne t'épargnerai rien. Aussi te dirai-je, pour finir gravement cette lettre, qu'en te relisant, une invincible et profonde terreur m'a saisie. Il m'a semblé que ce splendide amour défiait Dieu. Le souverain maître de ce monde, le malheur, ne se courroucera-t-il pas de ne point avoir sa part de votre festin? Quelle fortune superbe n'a-t-il pas renversée? Ô Louise, n'oublie pas, au milieu de ton bonheur, de prier Dieu. Fais du bien, sois charitable et bonne. Enfin, conjure les adversités par ta modestie. Moi, je suis devenue encore plus pieuse que je ne l'étais au couvent depuis mon mariage. Tu ne me dis rien de la religion à Paris. En adorant Felipe, il me semble que tu t'adresses à l'encontre du proverbe « plus aux saints qu'à Dieu ». Mais ma terreur est excès d'amitié. Vous allez ensemble à l'église et vous faites du bien en secret, n'est-ce pas? Tu me trouveras peut-être bien provincial dans cette fin de lettre, mais pense que mes craintes cachent une excessive amitié. L'amitié comme l'entendait La Fontaine, celle qui s'inquiète et s'alarme d'un rêve, d'une idée à l'état de nuage. Tu mérites d'être heureuse, puisque tu penses à moi dans ton bonheur, comme je pense à toi dans ma vie monotone, un peu grise mais pleine, sobre mais productive. Sois donc bénie. Fin de la 29e section. Trentième section des scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scène de la vie privée, tome 2. Mémoire de deux jeunes mariés par Honoré de Balzac. 29. De Monsieur de l'Estorade à la Baronne de Macumer. Décembre 1825. Madame, ma femme n'a pas voulu que vous appréciez par le vulgaire billet de faire part un événement qui nous comble de joie. Elle vient d'accoucher d'un gros garçon et nous retarderons son baptême jusqu'au moment où vous retournerez à votre terre de Chantepleurs. Nous espérons, René et moi, que vous pousserez jusqu'à la crampade et que vous serez la marraine de notre premier-né. Dans cette espérance, je viens de le faire inscrire sur les registres de l'état civil sous les noms d'Armand Louis de l'Estorade. Notre chère Renée a beaucoup souffert, mais avec une patience angélique. Vous la connaissez. Elle a été soutenue dans cette première épreuve du métier de mère par la certitude du bonheur qu'elle nous donnait à tous. Sans me livrer aux exagérations un peu ridicules des pères qui sont pères pour la première fois, je puis vous assurer que le petit Armand est très beau, mais vous le croirez sans peine quand je vous dirai qu'il a les traits et les yeux de René. C'est avoir eu déjà de l'esprit. Maintenant que le médecin et l'accoucheur nous ont affirmé que René n'a pas le moindre danger à courir, car elle nourrit, l'enfant a très bien pris le sein. Le lait est abondant, la nature est si riche en elle. Nous pouvons, mon père et moi, nous abandonner à notre joie. Madame, cette joie est si grande, si forte, si pleine, elle anime tellement toute la maison, elle a tant changé l'existence de ma chère femme, que je désire pour votre bonheur qu'il en soit ainsi promptement pour vous. René a fait préparer un appartement que je voudrais rendre digne de nos hôtes, mais où vous serez reçus du moins avec une cordialité fraternelle, sinon avec faste. René m'a dit, madame, vos intentions pour nous, et je saisis d'autant plus cette occasion de vous en remercier que rien n'est plus de saison. La naissance de mon fils a déterminé mon père à faire des sacrifices auxquels les vieillards se résolvent difficilement. Il vient d'acquérir deux domaines. La Crampade est maintenant une terre qui rapporte 30 000 francs. Mon père va solliciter du roi la permission de l'ériger en majorat. Mais obtenez pour lui le titre dont vous avez parlé dans votre dernière lettre, et vous aurez déjà travaillé pour votre filleul. Quant à moi, je suivrai vos conseils uniquement pour vous réunir à René durant les sessions. J'étudie avec ardeur et tâche de devenir ce qu'on appelle un homme spécial. Mais rien ne me donnera plus de courage que de vous savoir la protectrice de mon petit Armand. Promettez-nous donc de venir jouer ici, vous si belle et si gracieuse, si grande et si spirituelle, le rôle d'une fée pour mon fils aîné. Vous aurez ainsi, madame, augmenté d'une éternelle reconnaissance les sentiments d'affection respectueuse avec lesquels j'ai l'honneur d'être votre très humble et très obéissant serviteur. Louis de l'Estorade. Fin de la 30e section. Section des scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoire de deux jeunes mariés, par Honoré de Balzac. 30. Louise de Macumer, à René de l'Estorade. Janvier 1826. Macumer m'a réveillé tout à l'heure avec la lettre de ton mari, mon ange. Je commence par dire oui. Nous irons vers la fin d'avril à Chantepleurs. Ce sera pour moi un plaisir sur plaisir que de voyager, de te voir et d'être la marraine de ton premier enfant. Mais je veux Macumer pour parrain. Une alliance catholique avec un autre compère me serait odieuse. Ah, si tu pouvais voir l'expression de son visage au moment où je lui ai dit cela, tu saurais combien cet ange m'aime. Je veux d'autant plus que nous allions ensemble à la Crampade, Felipe, lui ai-je dit, que là nous aurons peut-être un enfant. Moi aussi je veux être mère. Quoique, cependant, je serais bien partagée entre un enfant et toi. D'abord, si je te voyais me préférer une créature, fût-ce mon fils, je ne sais pas ce qui en adviendrait. Médée pourrait bien avoir eu raison. Il y a du bon chez les anciens. Il s'est mis à rire. Ainsi, chère biche, tu as le fruit sans avoir eu les fleurs, et moi j'ai les fleurs sans le fruit. Le contraste de notre destinée continue. Nous sommes assez philosophes pour en chercher, un jour, le sens et la morale. Bah, je n'ai que 10 mois de mariage, convenons-en, il n'y a pas de temps perdu. Nous menons la vie dissipée et néanmoins pleine des gens heureux. Les jours nous semblent toujours trop courts. Le monde qui m'a revu déguisée en femme a trouvé la baronne de Macumer beaucoup plus jolie que Louise de Chaulieu. L'amour heureux a son phare. Quand, par un beau soleil et par une belle gelée de janvier, alors que les arbres des Champs-Élysées sont fleuris de grappes blanches étoilées, nous passons, Felipe et moi, dans notre coupé devant tout Paris, réunis là où nous étions séparés l'année dernière. Il me vient des pensées par milliers, et j'ai peur d'être un peu trop insolente, comme tu le pressentais dans ta dernière lettre. Si j'ignore les joies de la maternité, tu me les diras, et je serai mère par toi. Mais il n'y a, selon moi, rien de comparable aux voluptés de l'amour. Tu vas me trouver bien bizarre. Mais voici 10 fois en 10 mois que je me surprends à désirer de mourir à 30 ans, dans toute la splendeur de la vie, dans les roses de l'amour, au sein des voluptés, de m'en aller rassasié, sans mécompte, ayant vécu dans ce soleil, en plein dans les terres, et même un peu tué par l'amour, n'ayant rien perdu de ma couronne, pas même une feuille, et gardant toutes mes illusions. Songe donc ce que c'est que d'avoir un cœur jeune dans un vieux corps, de trouver les figures muettes, froides, là où tout le monde, même les indifférents, nous souriait, d'être enfin une femme respectable. Mais c'est un enfer anticipé. Nous avons eu, Felipe et moi, notre première querelle à ce sujet. Je voulais qu'il eût la force de me tuer à 30 ans, pendant mon sommeil, sans que je m'en doutasse, pour me faire entrer d'un rêve dans un autre. Le monstre n'a pas voulu. Je l'ai menacé de le laisser seul dans la vie, et il a pâli, le pauvre enfant. Ce grand ministre est devenu, ma chère, un vrai bambin. C'est incroyable tout ce qu'il cachait de jeunesse et de simplicité. Maintenant que je pense tout haut avec lui comme avec toi, que je l'ai mis à ce régime de confiance, nous nous émerveillons l'un de l'autre. Ma chère, les deux amants, Felipe et Louise, veulent envoyer un présent à l'accouchée. Nous voudrions faire quelque chose qui te plût. Ainsi, dis-moi franchement ce que tu désires, car nous ne donnons pas dans les surprises à la façon des bourgeois. Nous voulons donc nous rappeler sans cesse à toi par un aimable souvenir, par une chose qui te serve tous les jours et ne périsse point par l'usage. Notre repas le plus gai, le plus intime, le plus animé, car nous y sommes seuls, est pour nous le déjeuner. J'ai donc pensé à t'envoyer un service spécial appelé déjeuner, dont les ornements seraient des enfants. Si tu m'approuves, réponds-moi promptement. Pour te l'apporter, il faut le commander, et les artistes de Paris sont comme des rois fainéants. Ce sera mon offrande à Lucine. Adieu, chère nourrice, je te souhaite tous les plaisirs des mères. Et j'attends avec impatience la première lettre où tu me diras bien tout, n'est-ce pas? Cet accoucheur me fait frissonner. Ce mot de la lettre de ton mari m'a sauté non pas aux yeux mais au cœur. Pauvre René, un enfant coûte cher, n'est-ce pas? Je lui dirai combien il doit t'aimer, ce filleul. Mille tendresses, mon ange. Fin de la 31e section. Trente-deuxième section des scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoire de deux jeunes mariés, par Honoré de Balzac. 31. René de l'Estorade à Louise de Macumer. Voici bientôt 5 mois que je suis accouchée, et je n'ai pas trouvé, ma chère âme, un seul petit moment pour t'écrire. Quand tu seras mère, tu m'excuseras plus pleinement que tu ne l'as fait, car tu m'as un peu puni en rendant tes lettres rares. Écris-moi, ma chère mignonne, dis-moi tous tes plaisirs, peins-moi ton bonheur à grande teinte, verse-y l'outre-mer sans craindre de m'affliger, car je suis heureuse, et plus heureuse que tu ne l'imagineras jamais. Je suis allé à la paroisse entendre une messe de relevailles, en grande pompe, comme cela se fait dans nos vieilles familles de Provence. Les deux grands-pères, le père de Louis, le mien me donnait le bras. Ah ! Jamais je ne me suis agenouillé devant Dieu, dans un pareil accès de reconnaissance. J'ai tant de choses à te dire, tant de sentiments à te peindre, que je ne sais par où commencer. Mais du sein de cette confusion s'élève un souvenir radieux, celui de ma prière à l'église. Quand, à cette place où, jeune fille, j'ai douté de la vie et de mon avenir, je me suis retrouvée métamorphosée en mère joyeuse. J'ai cru voir la Vierge de l'autel inclinant la tête et me montrant l'enfant divin qui a semblé me sourire. Avec quelle sainte effusion d'amour céleste j'ai présenté notre petit Armand à la bénédiction du curé, qui l'a ondoyé en attendant le baptême. Mais tu nous verras ensemble, Armand et moi. Mon enfant, voilà ce que je t'appelle mon enfant. Mais c'est en effet le plus doux mot qu'il y ait dans le cœur, dans l'intelligence et sur les lèvres quand on est mère. Or donc, ma chère enfant, je me suis traînée pendant les 2 derniers mois, assez languissamment dans nos jardins, fatiguée, accablée par la gêne de ce fardeau que je ne savais pas être si cher et si doux, malgré les ennuis de ces 2 mois. J'avais de telles appréhensions, des prévisions si mortellement sinistres que la curiosité n'était pas la plus forte. Je me raisonnais, je me disais que rien de ce que veut la nature n'est à redouter. Je me promettais à moi-même d'être mère. Hélas, je ne me sentais rien au cœur, tout en pensant à cet enfant qui me donnait d'assez jolis coups de pied. Et, ma chère, on peut aimer à les recevoir quand on a déjà eu des enfants. Mais, pour la première fois, ces débats d'une vie inconnue apportent plus d'étonnement que de plaisir. Je te parle de moi, qui ne suis ni fausse ni théâtrale, et dont le fruit venait plus de Dieu, car Dieu donne les enfants que d'un homme aimé. Laissons ces tristesses passer, et qui ne reviendront plus, je le crois. Quand la crise est venue, j'ai rassemblé en moi les éléments d'une telle résistance. Je me suis attendu à de telles douleurs, que j'ai supporté merveilleusement, dit-on, cette horrible torture. Il y a eu, ma mignonne, une heure environ pendant laquelle je me suis abandonné à un anéantissement dont les effets ont été ceux d'un rêve. Je me suis senti être deux, une enveloppe tenaillée, déchirée, torturée, et une âme placide. Dans cet état bizarre, la souffrance a fleuri comme une couronne au-dessus de ma tête. Il m'a semblé qu'une immense rose sortie de mon crâne grandissait et m'enveloppait. La couleur rose de cette fleur sanglante était dans l'air. Je voyais tout rouge. Ainsi parvenu au point où la séparation semble vouloir se faire entre le corps et l'âme, une douleur qui m'a fait croire à une mort immédiate a éclaté. J'ai poussé des cris horribles et j'ai trouvé des forces nouvelles contre de nouvelles douleurs. Cet affreux concert de clameurs a été soudain couvert en moi par le chant délicieux des vagissements argentins de ce petit être. Non, rien ne peut te peindre en ce moment. Il me semblait que le monde entier criait avec moi, que tout était douleur ou clameur, et tout a été comme éteint par ce faible cri de l'enfant. On m'a recouché dans mon grand lit où je suis entré comme dans un paradis, quoique je fusse d'une excessive faiblesse. Trois ou quatre figures joyeuses, les yeux en larmes, m'ont alors montré l'enfant. Ma chère, j'ai crié d'effroi. « Quel petit singe ! » ai-je dit. « Êtes-vous sûr que ce soit un enfant ? » ai-je demandé. Je me suis remise sur le flanc, assez désolée de ne pas me sentir plus mère que cela. « Ne vous tourmentez pas, ma chère, » m'a dit ma mère qui s'est constituée ma garde. « Vous avez fait le plus bel enfant du monde. Évitez de vous troubler l'imagination. Il vous faut mettre tout votre esprit à devenir bête, à vous faire exactement la vache qui broute pour avoir du lait. » Je me suis donc endormie avec la ferme intention de me laisser aller à la nature. Ah, mon ange, le réveil de toutes ces douleurs, de ces sensations confuses, de ces premières journées où tout est obscur, pénible et indécis, a été divin. Ces ténèbres ont été animées par une sensation dont les délices ont surpassé celle du premier cri de mon enfant. Mon cœur, mon âme, mon être, un moi inconnu, a été réveillé dans sa coque souffrante et grise jusque-là, comme une fleur s'élance de sa graine au brillant appel du soleil. Le petit monstre a pris mon sein et a tété. Voilà le Fiat Lux. J'ai soudain été mère. Voilà le bonheur, la joie, une joie ineffable, quoiqu'elle n'aille pas sans quelque douleur. Ô ma belle jalouse, combien tu apprécieras un plaisir qui naît qu'entre nous, l'enfant et Dieu. Ce petit être ne connaît absolument que notre sein. Il n'y a pour lui que ce point brillant dans le monde. Il l'aime de toutes ses forces, il ne pense qu'à cette fontaine de vie. Il y vient et s'en va pour dormir, il se réveille pour y retourner. Ses lèvres ont un amour inexprimable, et quand elles s'y collent, elles y font à la fois une douleur et un plaisir qui va jusqu'à la douleur, ou une douleur qui finit par un plaisir. Je ne saurais t'expliquer une sensation qui, du sein, rayonne en moi jusqu'aux sources de la vie, car il semble que ce soit un centre d'où partent mille rayons qui réjouissent le cœur et l'âme. Enfanter, ce n'est rien, mais nourrir, c'est enfanter à toute heure. Ô Louise, il n'y a pas de caresse d'amant qui puisse valoir celle de ces petites mains roses qui se promènent si doucement et cherchent à s'accrocher à la vie. Quel regard un enfant jette alternativement de notre sein à nos yeux. Quel rêve on fait en le voyant suspendu par les lèvres à son trésor. Il ne tient pas moins à toutes les forces de l'esprit qu'à toutes celles du corps. Il emploie et le sang et l'intelligence. Il satisfait au-delà des désirs. Cette adorable sensation de son premier cri qui fut pour moi ce que le premier rayon du soleil a été pour la terre, je l'ai retrouvé en sentant mon lait lui emplir la bouche. Je l'ai retrouvé en recevant son premier regard. Je viens de la retrouver en savourant dans son premier sourire sa première pensée. Il a ri, ma chère, ce rire, ce regard, cette morsure, ce cri, ces quatre jouissances sont infinies. Elles vont jusqu'au fond du cœur, elles y remuent des cordes qu'elles seules peuvent remuer. Les mondes doivent se rattacher à Dieu comme un enfant se rattache à toutes les fibres de sa mère. Dieu, c'est un grand cœur de mère. Il n'y a rien de visible, ni de perceptible dans la conception, ni même dans la grossesse. Mais être nourrice, ma Louise, c'est un bonheur de tous les moments. On voit ce que devient le lait, il se fait chair, il fleurit au bout de ses doigts mignons qui ressemblent à des fleurs et qui en ont la délicatesse. Il grandit en ongles fins et transparents, il s'effile en cheveux, il s'agite avec les pieds. Oh, des pieds d'enfant, mais c'est tout un langage. L'enfant commence à s'exprimer par là. Nourrir, Louise. C'est une transformation qu'on suit d'heure en heure et d'un œil hébété. Les cris, vous ne les entendez point par les oreilles, mais par le cœur. Les sourires des yeux et des lèvres ou les agitations des pieds, vous les comprenez comme si Dieu vous écrivait des caractères en lettres de feu dans l'espace. Il n'y a plus rien dans le monde qui vous intéresse. Le père, on le tuerait s'il s'avisait d'éveiller l'enfant. On est à soi seul le monde pour cet enfant, comme l'enfant est le monde pour vous. On est si sûr que notre vie est partagée, on est si amplement récompensé des peines qu'on se donne et des souffrances qu'on endure, car il y a des souffrances. Dieu te garde d'avoir une crevasse au sein. Cette plaie qui se rouvre sous des lèvres de rose, qui se guérit si difficilement et qui cause des tortures à rendre folle, si l'on n'avait pas la joie de voir la bouche de l'enfant barbouillée de lait, est une des plus affreuses punitions de la beauté. Ma Louise, songez-y. Elle ne se fait que sur une peau délicate et fine. Mon jeune singe est, en 5 mois, devenu la plus jolie créature que jamais une mère ait baignée de ses larmes joyeuses, lavée, brossée, peignée, pomponnée. Car Dieu sait avec quelle infatigable ardeur on pomponne, on habille, on brosse, on lave, on change, on baise ces petites fleurs. Donc, mon singe n'est plus un singe, mais un baby, comme dit ma bonne anglaise, un baby blanc et rose. Et comme il se sent aimé, il ne crie pas trop. Mais à la vérité, je ne le quitte guère et m'efforce de le pénétrer de mon âme. Cher, j'ai maintenant dans le cœur pour Louis un sentiment qui n'est pas l'amour, mais qui doit, chez une femme aimante, compléter l'amour. Je ne sais si cette tendresse, si cette reconnaissance dégagée de tout intérêt ne va pas au-delà de l'amour. Par contre, tout ce que tu m'en as dit, chère mignonne, l'amour a quelque chose d'affreusement terrestre, tandis qu'il y a je ne sais quoi de religieux et de divin dans l'affection que porte une mère heureuse à celui de qui procèdent ses longues, ses éternelles joies. La joie d'une mère est une lumière qui jaillit jusque sur l'avenir et le lui éclaire, mais qui se reflète sur le passé pour lui donner le charme des souvenirs. Le vieux Lestorade et son fils ont redoublé d'ailleurs de bonté pour moi. Je suis comme une nouvelle personne pour eux. Leurs paroles, leurs regards me vont à l'âme, car ils me fêtent à nouveau chaque fois qu'ils me voient et me parlent. Le vieux grand-père devient enfant, je crois. Il me regarde avec admiration. La première fois que je suis descendu à déjeuner et qu'il m'a vu mangeant et donnant à téter à son petit-fils, il a pleuré. Cette larme dans ses deux yeux secs, où il ne brille guère que des pensées d'argent, m'a fait un bien inexprimable. Il m'a semblé que le bonhomme comprenait mes joies. Quant à Louis, il aurait dit aux arbres et aux cailloux du grand chemin qu'il avait un fils. Il passe des heures entières à regarder ton filleul, endormi. Il ne sait pas, dit-il, quand il s'y habituera. Ces excessives démonstrations de joie m'ont révélé l'étendue de leurs appréhensions et de leurs craintes. Louis a fini par m'avouer qu'il doutait de lui-même et se croyait condamné à ne jamais avoir d'enfant. Mon pauvre Louis a changé soudainement, en mieux. Il étudie encore plus que par le passé. Cet enfant a doublé l'ambition du père. Quant à moi, ma chère âme, je suis de moment en moment plus heureuse. Chaque heure apporte un nouveau lien entre une mère et son enfant. Ce que je sens en moi me prouve que ce sentiment est impérissable, naturel, de tous les instants, tandis que je soupçonne l'amour, par exemple, d'avoir ses intermittences. On n'aime pas de la même manière à tout moment. Il ne se brode pas sur cette étoffe de la vie des fleurs toujours brillantes. Enfin, l'amour peut et doit cesser. Mais la maternité n'a pas de déclin à craindre. Elle s'accroît avec les besoins de l'enfant, elle se développe avec lui. N'est-ce pas à la fois une passion, un besoin, un sentiment, un devoir, une nécessité, le bonheur? Oui, mignonne, voilà la vie particulière de la femme. Notre soif de dévouement y est satisfaite et nous ne trouvons point là les troubles de la jalousie. Aussi peut-être est-ce pour nous le seul point où la nature et la société soient d'accord. En ceci, la société se trouve avoir enrichi la nature. Elle a augmenté le sentiment maternel par l'esprit de famille, par la continuité du nom, du sang, de la fortune. De quel amour une femme ne doit-elle pas entourer le cher être qui le premier lui a fait connaître de pareilles joies, qui lui a fait déployer les forces de son âme et lui a appris le grand art de la maternité? Le droit d'aînesse, qui pour l'Antiquité se marie à celle du monde et se mêle à l'origine des sociétés, ne me semble pas devoir être mis en question. Ah! Combien de choses un enfant apprend à sa mère. Il y a tant de promesses faites entre nous et la vertu dans cette protection incessante due à un être faible que la femme naît dans sa véritable sphère que quand elle est mère. Elle déploie alors seulement ses forces, elle pratique les devoirs de sa vie, elle en a tous les bonheurs et tous les plaisirs. Une femme qui n'est pas mère est un être incomplet et manqué. Dépêche-toi d'être mère, mon ange. Tu multiplieras ton bonheur actuel par toutes mes voluptés. Je t'ai quitté en entendant crier monsieur ton filleul, et ce cri je l'entends du fond du jardin. Je ne veux pas laisser partir cette lettre sans te dire un mot d'adieu. Je viens de la relire et suis effrayé des vulgarités de sentiments qu'elle contient. Ce que je sens, hélas. Il me semble que toutes les mères l'ont éprouvé comme moi, doivent l'exprimer de la même manière, et que tu te moqueras de moi, comme on se moque de la naïveté de tous les pères qui vous parlent de l'esprit et de la beauté de leurs enfants en leur trouvant toujours quelque chose de particulier. Enfin, chère mignonne, le grand mot de cette lettre, le voici. Je te le répète. je suis aussi heureuse maintenant que j'étais malheureuse auparavant. Cette Bastide, qui d'ailleurs va devenir une terre, un majorat, est pour moi la terre promise. J'ai fini par traverser mon désert. Mille tendresses, chère mignonne. Écris-moi, je puis aujourd'hui lire sans pleurer la peinture de ton bonheur et celle de ton amour. Adieu. Fin de la 32e section. Trente-troisième section des scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoire de deux jeunes mariés par Honoré de Balzac. 32. Madame de Macumer à Madame de l'Estorade. Mars 1826. Comment, ma chérie? Voilà plus de 3 mois que je ne t'ai écrit et que je n'ai reçu de lettre de toi. Je suis la plus coupable des deux, je ne t'ai pas répondu. Mais tu n'es pas susceptible que je sache. Ton silence a été pris par Macumer et par moi comme une adhésion pour le déjeuner orné d'enfants, et ces charmants bijoux vont partir ce matin pour Marseille. Les artistes ont mis 6 mois à les exécuter. Aussi me suis-je réveillé en sursaut quand Felipe m'a proposé de venir voir ce service avant que l'orfèvre ne l'emballât. J'ai soudain pensé que nous ne nous étions rien dit depuis la lettre où je me suis senti mère avec toi. Mon ange, le terrible Paris, voilà mon excuse à moi. J'attends la tienne. Ô le monde, quel gouffre! Ne t'ai-je pas dit déjà que l'on ne pouvait être que parisienne à Paris? Le monde y brise tous les sentiments. Il vous prend toutes vos heures. Il vous dévorerait le cœur si l'on y faisait attention. Quel étonnant chef-d'œuvre que cette création de Célimène dans le Misanthrope de Molière! C'est la femme du monde du temps de Louis XIV, comme celle de notre temps, enfin la femme du monde de toutes les époques. Où en serais-je sans mon égide, sans mon amour pour Felipe? Aussi lui ai-je dit ce matin, en faisant ces réflexions, qu'il était mon sauveur. Si mes soirées sont remplies par les fêtes, par les bals, par les concerts et les spectacles, je retrouve au retour les joies de l'amour et ces folies qui m'épanouissent le cœur, qui en effacent les morsures du monde. Je n'ai dîné chez moi que les jours où nous avons eu les gens qu'on appelle des amis, et je n'y suis resté que pour mes jours. J'ai mon jour, le mercredi, où je reçois. Je suis entré en lutte avec mesdames d'Espard et de Maufrigneuse, avec la vieille duchesse de Lenoncourt. Ma maison passe pour être amusante. Je me suis laissé mettre à la mode en voyant mon Felipe heureux de mes succès. Je lui donne les matinées, car depuis 4 heures, jusqu'à 2 heures du matin, j'appartiens à Paris. Macumer est un admirable maître de maison. Il est si spirituel et si grave, si vraiment grand, et d'une grâce si parfaite, qu'il se ferait aimer d'une femme qu'il aurait épousée, d'abord, par convenance. Mon père et ma mère sont partis pour Madrid. Louis XVIII mort, la duchesse a facilement obtenu de notre bon Charles X la nomination de son charmant Saint-Héréen, qu'elle emmène en qualité de second secrétaire d'ambassade. Mon frère, le duc de Rhétoré, daigne me regarder comme une supériorité. Quant au marquis de Chaulieu, ce militaire, de fantaisie, me doit une éternelle reconnaissance. Ma fortune a été employée, avant le départ de mon père, à lui constituer en terre un majorat de 40 000 francs de rente, et son mariage avec mademoiselle de Mortsauf, une héritière de Touraine, est tout à fait arrangé. Le roi, pour ne pas laisser s'éteindre le nom et les titres de la maison de Lenoncourt, va autoriser par une ordonnance mon frère à succéder au nom, titre et armes des Lenoncourt-Givry. Mademoiselle de Mortsauf, petite fille et unique héritière du duc de Lenoncourt-Givry, réunira, dit-on, plus de 100 000 livres de rente. Mon père a seulement demandé que les armes des Chaulieu fussent en abîme sur celles des Lenoncourt. Ainsi, mon frère sera duc de Lenoncourt. Le jeune de Mortsauf, à qui toute cette fortune devait revenir, est au dernier degré de la maladie de poitrine. On attend sa mort de moment en moment. L'hiver prochain, après le deuil, le mariage aura lieu. J'aurai, dit-on, pour belle-sœur, une charmante personne dans Madeleine de Mortsauf. Ainsi, comme tu le vois, mon père avait raison dans son argumentation. Ce résultat m'a valu l'admiration de beaucoup de personnes et mon mariage s'explique. Par affection pour ma grand-mère, le prince de Talleyrand prône Macumer, en sorte que notre succès est complet. Après avoir commencé par me blâmer, le monde m'approuve beaucoup. Je règne enfin dans ce Paris où j'étais si peu de choses, il y a bientôt 2 ans. Macumer voit son bonheur envié par tout le monde, car je suis la femme la plus spirituelle de Paris. Tu sais qu'il y a 20 plus spirituelles femmes de Paris à Paris. Les hommes me roucoulent des phrases d'amour ou se contentent de l'exprimer en regards envieux. Vraiment, il y a dans ce concert de désir et d'admiration une si constante satisfaction de la vanité que maintenant je comprends les dépenses excessives que font les femmes pour jouir de ces frêles et passagers avantages. Ce triomphe enivre l'orgueil, la vanité, l'amour-propre, enfin tous les sentiments du « moi ». Cette perpétuelle divinisation grise si violemment que je ne m'étonne plus de voir les femmes devenir égoïstes, oublieuses et légères au milieu de cette fête. Le monde porte à la tête. On prodigue les fleurs de son esprit et de son âme, son temps le plus précieux, ses efforts les plus généreux, à des gens qui vous payent en jalousie et en sourire, qui vous vendent la fausse monnaie de leurs phrases, de leurs compliments et de leurs adulations contre les lingots d'or de votre courage, de vos sacrifices, de vos inventions pour être belle, bien mise, spirituelle, affable et agréable à tous. On sait combien ce commerce est coûteux, on sait qu'on y est volé, mais on s'y adonne tout de même. Ah, ma belle biche, combien on a soif d'un cœur ami, combien l'amour et le dévouement de Felipe sont précieux, combien je t'aime. Avec quel bonheur on fait ces apprêts de voyage pour aller se reposer à Chantepleurs, des comédies de la rue du Bac et de tous les salons de Paris. Enfin, moi qui viens de relire ta dernière lettre, je te repeins cet infernal paradis de Paris en te disant qu'il est impossible à une femme du monde d'être mère. À bientôt, chérie. Nous nous arrêterons une semaine au plus à Chantepleurs et nous serons chez toi vers le 10 mai. Nous allons donc nous revoir après plus de 2 ans. Et quel changement! Nous voilà toutes deux femmes. Moi la plus heureuse des maîtresses, toi la plus heureuse des mères. Si je ne t'ai pas écrit, mon cher amour, je ne t'ai pas oublié. Et mon filleul, ce singe, est-il toujours joli? Me fait-il honneur? Il aura plus de 9 mois. Je voudrais bien assister à ses premiers pas dans le monde. Mais Macumer me dit que les enfants précoces marchent à peine à 10 mois. Nous taillerons donc des bavettes en style du Blaisois. Je verrai si, comme on le dit, un enfant gâte la taille. Post-scriptum. Si tu me réponds, mère sublime, adresse ta lettre à Chantepleurs. Je pars. Fin de la 33e section. Section des scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoire de deux jeunes mariés par Honoré de Balzac. 33. Madame de l'Estorade à Madame de Macumer. Hé, mon enfant, si jamais tu deviens mère, tu sauras si l'on peut écrire pendant les 9 premiers mois de la nourriture. Mary, ma bonne anglaise, et moi, nous sommes sur les dents. Il est vrai que je ne t'ai pas dit que je tiens à tout faire moi-même. Avant l'événement, j'avais de mes doigts cousu la layette et brodé, garni moi-même les bonnets. Je suis esclave, ma mignonne, esclave le jour et la nuit. Et d'abord, Armand Louis, tête quand il veut, et il veut toujours. Puis il faut si souvent le changer, le nettoyer, l'habiller. La mère aime tant à le regarder endormi, à lui chanter des chansons, à le promener quand il fait beau, en le tenant sur ses bras, qu'il ne lui reste pas de temps pour se soigner elle-même. Enfin, tu avais le monde, j'avais mon enfant, notre enfant. Quelle vie riche et pleine! Oh, ma chère, je t'attends, tu verras. Mais j'ai peur que le travail des dents ne commence et que tu ne le trouves bien criard, bien pleureur. Il n'a pas encore beaucoup crié car je suis toujours là. Les enfants ne crient que parce qu'ils ont des besoins qu'on ne sait pas deviner. Et je suis à la piste des siens. Ô mon ange, combien mon cœur s'est agrandi pendant que tu rapetissais le tien en le mettant au service du monde. Je t'attends avec une impatience de solitaire. Je veux savoir ta pensée sur l'Estorade, comme tu veux, sans doute, la mienne sur Macumer. Écris-moi de ta dernière couchée. Mes hommes veulent aller au-devant de nos illustres hôtes. Viens, reine de Paris, viens dans notre pauvre bastide où tu seras aimée. Fin de la 34e section. Section des scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoire de deux jeunes mariés par Honoré de Balzac. 34. De Madame de Macumer à la vicomtesse de l'Estorade. Avril 1826. L'adresse de ma lettre t'annoncera, ma chère, le succès de mes sollicitations. Voilà ton beau-père, comte de l'Estorade. Je n'ai pas voulu quitter Paris sans t'avoir obtenu ce que tu désirais, et je t'écris devant le garde des Sceaux qui m'est venu dire que l'ordonnance est signée. À bientôt. Fin de la 35e section. Section des scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scène de la vie privée, tome 2. Mémoire de deux jeunes mariés par Honoré de Balzac. 35. Madame de Macumer à Madame la Vicomtesse de l'Estorade. Marseille, juillet. Mon brusque départ va t'étonner. J'en suis honteuse. Mais comme avant tout je suis vraie et que je t'aime toujours autant, je vais te dire naïvement tout en quatre mots. Je suis horriblement jalouse. Felipe te regardait trop. Vous aviez ensemble, au pied de ton rocher, de petites conversations qui me mettaient au supplice, me rendaient mauvaise et changeaient mon caractère. Ta beauté vraiment espagnole devait lui rappeler son pays et cette Marie Heredia de laquelle je suis jalouse, car j'ai la jalousie du passé. Ta magnifique chevelure en noir, tes beaux yeux bruns, ce front où les joies de la maternité mettent en relief tes éloquentes douleurs passées qui sont comme les ombres d'une radieuse lumière, cette fraîcheur de peau méridionale plus blanche que ma blancheur de blonde, cette puissance de forme, ce sein qui brille dans les dentelles comme un fruit délicieux auquel se suspend mon beau filleul, tout cela me blessait les yeux et le cœur. J'avais beau tantôt mettre des bleuets dans mes grappes de cheveux, tantôt relever la fadeur de mes tresses blondes par des rubans cerises, tout cela pâlissait devant une renée que je ne m'attendais pas à trouver dans cette oasis de la crampade. Felipe enviait trop aussi cet enfant que je me prenais à haïr. Oui, cette insolente vie qui remplit ta maison, qui l'anime, qui y crie, qui y rit, je la voulais à moi. J'ai lu des regrets dans les yeux de Macumer. J'en ai pleuré pendant deux nuits à son insu. J'étais au supplice chez toi. Tu es trop belle femme et trop heureuse mère pour que je puisse rester auprès de toi. Ah, hypocrite, tu te plaignais. D'abord, ton l'Estorade est très bien. Il cause agréablement. Ses cheveux noirs mélangés de blanc sont jolis. Il a de beaux yeux, et ses façons de méridional ont ce je ne sais quoi qui plaît. D'après ce que j'ai vu, il sera tôt ou tard nommé député des Bouches-du-Rhône. Il fera son chemin à la Chambre, car je suis toujours à votre service en tout ce qui concerne vos ambitions. Les misères de l'exil lui ont donné cet air calme et posé qui me semble être la moitié de la politique. Selon moi, ma chère, toute la politique, c'est de paraître grave. Aussi disais-je à Macumer qu'il doit être un bien grand homme d'État. Enfin, après avoir acquis la certitude de ton bonheur, je m'en vais à Tire-d'Aile, contente, dans mon cher Chantepleur, où Felipe s'arrangera pour être père. Je ne veux t'y recevoir qu'ayant à mon sein un bel enfant semblable au tien. Je mérite tous les noms que tu voudras me donner. Je suis absurde, infâme, sans esprit. Hélas, on est tout cela quand on est jalouse. Je ne t'en veux pas, mais je souffrais, et tu me pardonneras de m'être soustraite à de telles souffrances. Encore 2 jours, j'aurais commis quelques sottises. Oui, j'eusse été de mauvais goût. Malgré ces rages qui me mordaient le cœur, je suis heureuse d'être venue, heureuse de t'avoir vue mère, si belle et si féconde, encore mon amie au milieu de tes joies maternelles, comme je reste toujours la tienne au milieu de mes amours. Tiens, à Marseille, à quelques pas de vous, je suis déjà fière de toi, fière de cette grande mère de famille que tu seras. Avec quel sens tu devinais ta vocation? Car tu me sembles née pour être plus mère qu'amante, comme moi je suis plus née pour l'amour que pour la maternité. Certaines femmes ne peuvent être ni mère ni amante, elles sont ou trop laides ou trop sottes. Une bonne mère et une épouse maîtresse doivent avoir à tout moment de l'esprit, du jugement et savoir à tout propos déployer les qualités les plus exquises de la femme. Oh, je t'ai bien observée, n'est-ce pas te dire, ma Minette, que je t'ai admirée? Oui, tes enfants seront heureux et bien élevés. Ils seront baignés dans les effusions de ta tendresse, caressés par les lueurs de ton âme. Dis la vérité sur mon départ à ton Louis, mais colore là d'honnêtes prétextes aux yeux de ton beau-père, qui semble être votre intendant, et surtout aux yeux de ta famille, une vraie famille Harlowe, plus l'esprit provençal. Felipe ne sait pas encore pourquoi je suis parti. Il ne le saura jamais. S'il le demande, je verrai à lui trouver un prétexte quelconque. Je lui dirai probablement que tu as été jalouse de moi. Fais-moi crédit de ce petit mensonge officieux. Adieu. Je t'écris à la hâte afin que tu aies cette lettre à l'heure de ton déjeuner, et le postillon, qui s'est chargé de te la faire tenir, est là qui boit en l'attendant. Baise bien mon cher petit filleul pour moi. Viens à Chantepleur au mois d'octobre, j'y serai seul pendant tout le temps que Macumer ira passer en Sardaigne, où il veut faire de grands changements dans ses domaines. Du moins, tel est le projet du moment, et c'est sa fatuité à lui d'avoir un projet. Il se croit indépendant. Aussi est-il toujours inquiet en me le communiquant. Adieu. Fin de la 36e section. Section des scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoire de deux jeunes mariés par Honoré de Balzac. 36. De la vicomtesse de l'Estorade à la baronne de Macumer. Ma chère, notre étonnement à tous a été inexprimable quant au déjeuner. On nous a dit que vous étiez parti, et surtout quand le postillon qui vous avait emmené à Marseille m'a remis ta folle lettre, mais méchante. Il ne s'agissait que de ton bonheur dans ces conversations au pied du rocher sur le banc de Louise, et tu as eu bien tort d'en prendre ombrage. Ingrata, je te condamne à revenir ici à mon premier appel. Dans cette odieuse lettre griffonnée sur du papier d'auberge, tu ne m'as pas dit où tu t'arrêteras. Je suis donc obligé de t'adresser ma réponse à Chantepleur. Écoute-moi, chère sœur d'élection, et sache, avant tout, que je te veux heureuse. Ton mari, ma Louise, a je ne sais quelle profondeur d'âme et de pensée qui impose autant que sa gravité naturelle et que sa contenance noble impose. Puis, il y a dans sa laideur si spirituelle, dans ce regard de velours, une puissance vraiment majestueuse. Il m'a donc fallu quelque temps avant d'établir cette familiarité sans laquelle il est difficile de s'observer à fond. Enfin, cet homme a été premier ministre, et il t'adore comme il adore Dieu. Donc, il devait dissimuler profondément. Et pour aller pêcher des secrets au fond de ce diplomate, sous les roches de son cœur, j'avais à déployer autant d'habileté que de ruse. Mais j'ai fini, sans que notre homme s'en soit douté, par découvrir bien des choses desquelles ma mignonne ne se doute pas. De nous deux, je suis un peu la raison comme tu es l'imagination. Je suis le grave devoir comme tu es le fol amour. Ce contraste d'esprit qui n'existait que pour nous deux, le sort s'est plu à le continuer dans nos destinées. Je suis une humble vicomtesse campagnarde, excessivement ambitieuse, qui doit conduire sa famille dans une voie de prospérité. Tandis que le monde sait Macumer, ex-duc de Soria, et que, duchesse de droit, tu règnes sur ce Paris où il est si difficile à qui que ce soit, même au roi, de régner. Tu as une belle fortune que Macumer va doubler s'il réalise ses projets d'exploitation pour ses immenses domaines de Sardaigne, dont les ressources sont bien connues à Marseille. Avoue que si l'une de nous deux devait être jalouse, ce serait moi. Mais rendons grâces à Dieu de ce que nous ayons chacune le cœur assez haut placé pour que notre amitié soit au-dessus des petitesses vulgaires. Je te connais. Tu as honte de m'avoir quitté. Malgré ta fuite, je ne te ferai pas grâce d'une seule des paroles que j'allais te dire aujourd'hui sous le rocher. Lis-moi donc avec attention, je t'en supplie, car il s'agit encore plus de toi que de Macumer, quoi qu'il soit pour beaucoup dans ma morale. D'abord, ma mignonne, tu ne l'aimes pas. Avant 2 ans, tu te fatigueras de cette adoration. Tu ne verras jamais en Felipe un mari, mais un amant de qui tu te joueras sans nul souci, comme font d'un amant toutes les femmes. Non, il ne t'impose pas. Tu n'as pas pour lui ce profond respect, cette tendresse pleine de crainte qu'une véritable amante a pour celui en qui elle voit un Dieu. Oh, j'ai bien étudié l'amour, mon ange. Et j'ai jeté plus d'une fois la sonde dans les gouffres de mon cœur. Après t'avoir bien examiné, je puis te le dire, tu n'aimes pas. Oui, chère reine de Paris, de même que les reines, tu désireras être traitée en grisette, tu souhaiteras être dominée, entraînée par un homme fort qui, au lieu de t'adorer, saura te meurtrir le bras en te le saisissant au milieu d'une scène de jalousie. Macumer t'aime trop pour pouvoir jamais voir te réprimander, soit te résister. Un seul de tes regards, une seule de tes paroles d'enjôleuse, fait fondre le plus fort de ses vouloirs. Tôt ou tard, tu le mépriseras de ce qu'il t'aime trop. Hélas, il te gâte comme je te gâtais quand nous étions au couvent. Car tu es une des plus séduisantes femmes et un des esprits les plus enchanteurs qu'on puisse imaginer. Tu es vraie surtout, et souvent le monde exige, pour notre propre bonheur, des mensonges auxquels tu ne descendras jamais. Ainsi, le monde demande qu'une femme ne laisse point voir l'empire qu'elle exerce sur son mari. Socialement parlant, un mari ne doit pas plus paraître l'amant de sa femme quand il l'aime en amant, qu'une épouse ne doit jouer le rôle d'une maîtresse. Or, vous manquez tous deux à cette loi. Mon enfant, d'abord, ce que le monde pardonne le moins en le jugeant, d'après ce que tu m'en as dit, c'est le bonheur. On doit le lui cacher. Mais ceci n'est rien. il existe entre amants une égalité qui ne peut jamais, selon moi, apparaître entre une femme et son mari, sous peine d'un renversement social et sans des malheurs irréparables. Un homme nul est quelque chose d'effroyable, mais il y a quelque chose de pire. C'est un homme annulé. Dans un temps donné, tu auras réduit Macumer à n'être que l'ombre d'un homme. Il n'aura plus sa volonté, il ne sera plus lui-même, mais une chose façonnée à ton usage. Tu te le seras si bien assimilé qu'au lieu d'être deux, il n'y aura plus qu'une personne dans votre ménage, et cet être-là sera nécessairement incomplet. Tu en souffriras, et le mal sera sans remède quand tu daigneras ouvrir les yeux. Nous aurons beau faire, notre sexe ne sera jamais doué des qualités qui distinguent l'homme. Et ces qualités sont plus que nécessaires. Elles sont indispensables à la famille. En ce moment, malgré son aveuglement, Macumer entrevoit cet avenir. Il se sent diminué par son amour. Son voyage en Sardaigne me prouve qu'il va tenter de se retrouver lui-même par cette séparation momentanée. Tu n'hésites pas à exercer le pouvoir que te remet l'amour. Ton autorité s'aperçoit dans un geste, dans le regard, dans l'accent. Ô chère, tu es, comme te le disait ta mère, une folle courtisane. Certes, il t'est prouvé, je crois, que je suis de beaucoup supérieure à Louis. Mais m'as-tu vu jamais le contredisant? Ne suis-je pas en public une femme qui le respecte comme le pouvoir de la famille? Hypocrisie, diras-tu. D'abord, les conseils que je crois utiles de lui donner, mes avis, mes idées, je ne les lui soumets jamais que dans l'ombre et le silence de la chambre à coucher. Mais je puis te jurer, mon ange, qu'alors même je n'affecte envers lui aucune supériorité. Si je ne restais pas secrètement comme ostensiblement sa femme, il ne croirait pas en lui. Ma chère, la perfection de la bienfaisance consiste à s'effacer si bien que l'obligé ne se croit pas inférieur à celui qui l'oblige. Et ce dévouement caché comporte des douceurs infinies. Aussi, ma gloire a-t-elle été de te tromper toi-même, et tu m'as fait des compliments de Louis. La prospérité, le bonheur, l'espoir lui ont d'ailleurs fait regagner depuis 2 ans tout ce que le malheur, les misères, l'abandon, le doute lui avaient fait perdre. En ce moment donc, d'après mes observations, je trouve que tu aimes Felipe pour toi et non pour lui-même. Il y a du vrai dans ce que t'a dit ton père. Ton égoïsme de grande dame est seulement déguisé sous les fleurs du printemps de ton amour. Ah, mon enfant, il faut te bien aimer pour te dire de si cruelles vérités. Laisse-moi te raconter, sous la condition de ne jamais souffler de ceci le moindre mot au baron, la fin de nos entretiens. Nous avions chanté tes louanges sur tous les tons, car il a bien vu que je t'aimais comme une sœur que l'on aime. Et après l'avoir amené, sans qu'il y prît garde, à des confidences. Louise, ai-je dit, n'a pas encore lutté avec la vie. Elle est traitée en enfant gâtée par le sort, et peut-être serait-elle malheureuse si vous ne saviez pas être un père pour elle, comme vous êtes un amant. Et le puis-je ? A-t-il dit. Il s'est arrêté tout court, comme un homme qui voit le précipice où il va rouler. Cette exclamation m'a suffi. Si tu n'étais pas parti, il m'en aurait dit davantage quelques jours après. Mon ange, quand cet homme sera sans force, quand il aura trouvé la satiété dans le plaisir, quand il se sentira, je ne dis pas avili, mais sans sa dignité devant toi, les reproches que lui fera sa conscience lui donneront une sorte de remords, blessant pour toi par cela même que tu te sentiras coupable. Enfin, tu finiras par mépriser celui que tu ne te seras pas habitué à respecter. Songe-y, le mépris chez la femme est la première forme que prend sa haine. Comme tu es noble de cœur, tu te souviendras toujours des sacrifices que Felipe t'aura faits. Mais il n'aura plus à t'en faire, après s'être en quelque sorte servi lui-même dans ce premier festin. Et malheur à l'homme, comme à la femme, qui ne laisse rien à souhaiter. Tout est dit. À notre honte ou à notre gloire, je ne saurais décider ce point délicat. Nous ne sommes exigeantes que pour l'homme qui nous aime. Ô Louise, change, il en est temps encore. Tu peux, en te conduisant avec Macumer comme je me conduis avec l'Estorade, faire surgir le lion caché dans cet homme vraiment supérieur. On dirait que tu veux te venger de sa supériorité. Ne seras-tu donc pas fière d'exercer ton pouvoir autrement qu'à ton profit, de faire un homme de génie d'un homme grand, comme je fais un homme supérieur d'un homme ordinaire? Tu serais resté à la campagne, je t'aurais toujours écrit cette lettre. J'eusse craint ta pétulance et ton esprit dans une conversation, tandis que je sais que tu réfléchiras à ton avenir en me lisant. Chère âme, tu as tout pour être heureuse. Ne gâte pas ton bonheur et retourne dès le mois de novembre à Paris. Les soins et l'entraînement du monde dont je me plaignais sont des diversions nécessaires à votre existence, peut-être un peu trop intimes. Une femme mariée doit avoir sa coquetterie. La mère de famille, qui ne laisse pas désirer sa présence en se rendant rare au sein du ménage, risque d'y faire connaître la satiété. Si j'ai plusieurs enfants, ce que je souhaite pour mon bonheur, je te jure que dès qu'ils arriveront à un certain âge, je me réserverai des heures pendant lesquelles je serai seul. Car il faut se faire demander par tout le monde, même par ses enfants. Adieu, chère jalouse. Sais-tu qu'une femme vulgaire serait flattée de t'avoir causé ce mouvement de jalousie? Hélas, je ne puis que m'en affliger, car il n'y a en moi qu'une mère et une sincère amie. Mille tendresses. Enfin, fais tout ce que tu voudras pour excuser ton départ. Si tu n'es pas sûr de Felipe, je suis sûr de Louis. Fin de la 37e section. Section des scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoire de deux jeunes mariés par Honoré de Balzac. 37. De la baronne de Macumer à la vicomtesse de l'Estorade. Gêne. Ma chère belle, j'ai eu la fantaisie de voir un peu l'Italie et suis ravie d'y avoir entraîné Macumer, dont les projets relativement à la Sardaigne sont ajournés. Ce pays m'enchante et me ravit. Ici, les églises, et surtout les chapelles, ont un air amoureux et coquet qui doit donner à une protestante envie de se faire catholique. On a fêté Macumer, et l'on s'est applaudi d'avoir acquis un sujet pareil. Si je la désirais, Felipe aurait l'ambassade de Sardaigne à Paris. Car la cour est charmante pour moi. Si tu m'écris, adresse tes lettres à Florence. Je n'ai pas trop le temps de t'écrire en détail. Je te raconterai mon voyage à ton premier séjour à Paris. Nous ne resterons ici qu'une semaine. De là, nous irons à Florence par Livourne. Nous séjournerons un mois en Toscane et un mois à Naples afin d'être à Rome en novembre. Nous reviendrons par Venise où nous demeurerons la première quinzaine de décembre. Puis, nous arriverons par Milan et par Turin à Paris pour le mois de janvier. Nous voyageons en amant. La nouveauté des lieux renouvelle nos chères noces. Macumer ne connaissait point l'Italie, et nous avons débuté par ce magnifique chemin de la Corniche qui semble construit par les fées. Adieu, chérie. Ne m'en veux pas si je ne t'écris point. Il m'est impossible de trouver un moment à moi en voyage. Je n'ai que le temps de voir, de sentir et de savourer mes impressions. Mais, pour t'en parler, j'attendrai qu'elles aient pris les teintes du souvenir. Fin de la 38e section. 39e section des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoire de deux jeunes mariés, par Honoré de Balzac. 38. De la vicomtesse de l'Estorade à la baronne de Macumer. Septembre. Ma chère, il y a pour toi à Chantepleurs une assez longue réponse à la lettre que tu m'as écrite de Marseille. Ce voyage fait en amant est si loin de diminuer les craintes que je t'y exprimais que je te prie d'écrire en Nivernais pour qu'on t'envoie ma lettre. Le ministère a résolu, dit-on, de dissoudre la Chambre. Si c'est un malheur pour la couronne qui devait employer la dernière session de cette législature dévouée à faire rendre des lois nécessaires à la consolidation du pouvoir, c'en est un pour nous aussi. Louis n'aura 40 ans qu'à la fin de 1827. Heureusement, mon père, qui consent à se faire nommer député, donnera sa démission en temps utile. Ton filleul a fait ses premiers pas sans sa marraine. Il est d'ailleurs admirable et commence à me faire de ces petits gestes gracieux qui me disent que ce n'est plus seulement un organe qui tète, une vie brutale, mais une âme. Ses sourires sont pleins de pensées. Je suis si favorisé dans mon métier de nourrice que je sèvrerai notre Armand en décembre. Un an de lait suffit. Les enfants qui tètent trop deviennent des sots. Je suis pour les dictons populaires. Tu dois avoir un succès fou en Italie, ma belle blonde. Mille tendresses. Fin de la 39e section. Quarantième section des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoire de deux jeunes mariés, par Honoré de Balzac. 39. De la baronne de Macumer à la vicomtesse de l'Estorade. Rome, décembre. J'ai ton infâme lettre que, sur ma demande, mon régisseur m'a envoyée de Chantepleurs ici. Oh, René! Mais je t'épargne tout ce que mon indignation pourrait me suggérer. Je vais seulement te raconter les effets produits par ta lettre. Au retour de la fête charmante que nous a donnée l'ambassadeur et où j'ai brillé de tout mon éclat, d'où Macumer est revenu dans un enivrement de moi que je ne saurais peindre, je lui ai lu ton horrible réponse et je la lui ai lue en pleurant, au risque de lui paraître laide. Mon cher Abencerrage est tombé à mes pieds en te traitant de radoteuse. Il m'a emmenée au balcon du palais où nous sommes et d'où nous voyons une partie de Rome. Là, son langage était digne de la scène qui s'offrait à nos yeux. Car il faisait un superbe clair de lune. Comme nous savons déjà l'italien, son amour, exprimé dans cette langue si molle et si favorable à la passion, m'a paru sublime. Il m'a dit que, quand même tu serais prophète, il préférait une nuit heureuse ou l'une de nos délicieuses matinées à toute une vie. À ce compte, il avait déjà vécu 1000 ans. Il voulait que je restasse sa maîtresse et ne souhaitait pas d'autre titre que celui de mon amant. Il est si fier et si heureux de se voir chaque jour le préféré que, si Dieu lui apparaissait et lui donnait à opter entre vivre encore 30 ans selon ta doctrine et avoir 5 enfants, ou n'avoir plus que 5 ans de vie en continuant nos chers amours fleuris, son choix serait fait. Il aimerait mieux être aimé comme je l'aime et mourir. Ces protestations dites à mon oreille, ma tête sur son épaule, son bras autour de ma taille, ont été troublées en ce moment par les cris de quelques chauves-souris qu'un chat huant avait surprise. Ce cri de mort m'a fait une si cruelle impression que Felipe m'a emporté à demi évanoui sur mon lit. Mais rassure-toi, quoique cet horoscope ait retenti dans mon âme, ce matin je vais bien. En me levant, je me suis mise à genoux devant Felipe et, les yeux sous les siens, ses mains prises dans les miennes, je lui ai dit « Mon ange, je suis un enfant, et René pourrait avoir raison. C'est peut-être seulement l'amour que j'aime en toi, mais du moins sache qu'il n'y a pas d'autre sentiment dans mon cœur et que je t'aime alors à ma manière. Enfin, si dans mes façons, dans les moindres choses de ma vie et de mon âme, il y avait quoi que ce soit de contraire à ce que tu voulais ou espérais de moi, dis-le, fais-le-moi connaître. J'aurais du plaisir à t'écouter et à ne me conduire que par la lueur de tes yeux. René m'effraie, elle m'aime tant. » Macumer n'a pas eu de voix pour me répondre. Il fondait en larmes. « Maintenant, je te remercie, ma Renée. Je ne savais pas combien je suis aimée de mon beau, de mon royal Macumer. Rome est la ville où l'on aime. Quand on a une passion, c'est là qu'il faut aller en jouir. On a les arts et Dieu pour complices. Nous trouverons à Venise le duc et la duchesse de Soria. Si tu m'écris, écris-moi maintenant à Paris, car nous quittons Rome dans 3 jours. La fête de l'ambassadeur était un adieu. Post-scriptum. Cher imbécile, ta lettre montre bien que tu ne connais l'amour qu'en idée. Sache donc que l'amour est un principe dont tous les effets sont si dissemblables qu'aucune théorie ne saurait les embrasser ni les régenter. Ceci est pour mon petit docteur en corset. Fin de la 40e section. Section 41 des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoire de 2 jeunes mariés par Honoré de Balzac. 40. De la comtesse de l'Estorade à la baronne de Macumer. Janvier 1827. Mon père est nommé. Mon beau-père est mort. Et je suis encore sur le point d'accoucher. Tels sont les événements marquants de la fin de cette année. Je te l'ai dit sur le champ, pour que l'impression que te fera mon cachet noir se dissipe aussitôt. Ma mignonne, ta lettre de Rome m'a fait frémir. Vous êtes 2 enfants. Felipe est ou un diplomate qui a dissimulé, ou un homme qui t'aime comme il aimerait une courtisane à laquelle il abandonnerait sa fortune, tout en sachant qu'elle le trahit. En voilà bien assez. Vous me prenez pour une radoteuse? Je me tairai. Mais laisse-moi te dire qu'en étudiant nos 2 destinées, j'en tire un cruel principe. Voulez-vous être aimé? N'aimez pas. Louis, ma chère, a obtenu la croix de la Légion d'honneur quand il a été nommé membre du Conseil général. Or, comme voici bientôt 3 ans qu'il est du Conseil, et que mon père, que tu verras sans doute à Paris pendant la session, a demandé pour son gendre le grade d'officier, fais-moi le plaisir d'entreprendre la mamamouchie quelconque que cette nomination regarde, et de veiller à cette petite chose. Surtout, ne te mêle pas des affaires de mon très honoré père, le comte de Maucombe, qui veut obtenir le titre de marquis. Réserve tes faveurs pour moi. Quand Louis sera député, c'est-à-dire l'hiver prochain, nous viendrons à Paris, et nous y remuerons alors ciel et terre pour le placer à quelque direction générale, afin que nous puissions économiser tous nos revenus en vivant des appointements d'une place. Mon père siège entre le centre et la droite. Il ne demande qu'un titre. Notre famille était déjà célèbre sous le roi René. Le roi Charles X ne refusera pas un Maucombe. Mais j'ai peur qu'il ne prenne à mon père fantaisie de postuler quelque faveur pour mon frère cadet. Et en lui tenant la dragée du marquisat un peu haut, il ne pourra penser qu'à lui-même. 15 janvier. Ah, Louise, je sors de l'enfer. Si j'ai le courage de te parler de mes souffrances, c'est que tu me sembles une autre moi-même. Encore ne sais-je pas si je laisserai jamais ma pensée revenir sur ces 5 fatales journées. Le seul mot de convulsion me cause un frisson dans l'âme même. Ce n'est pas 5 jours qui viennent de se passer, mais 5 siècles de douleur. Tant qu'une mère n'a pas souffert ce martyre, elle ignorera ce que veut dire le mot souffrance. Je t'ai trouvée heureuse de ne pas avoir d'enfant. Ainsi juge de ma déraison. La veille du jour terrible, le temps qui avait été lourd et presque chaud me parut avoir incommodé mon petit Armand. Lui, si doux et si caressant, il était grimaud. Il criait à propos de tout. Il voulait jouer et briser ses joujoux. Peut-être toutes les maladies s'annoncent-elles chez les enfants par des changements d'humeur. Attentive à cette singulière méchanceté, j'observais chez Armand des rougeurs et des pâleurs que j'attribuais à la pousse de 4 grosses dents qui percent à la fois. Aussi l'ai-je couché près de moi, m'éveillant de moment en moment. Pendant la nuit, il eut un peu de fièvre qui ne m'inquiétait point. Je l'attribuais toujours aux dents. Vers le matin, il dit « Maman », en demandant à boire par un geste, mais avec un éclat dans la voix, avec un mouvement convulsif dans le geste qui me glacèrent le sang. Je sautai hors du lit pour aller lui préparer de l'eau sucrée. Juge de mon effroi quand, en lui présentant la tasse, je ne lui vis faire aucun mouvement. Il répétait seulement « Maman » de cette voix qui n'était plus sa voix, qui n'était même plus une voix. Je lui pris la main, mais elle n'obéissait plus, elle se raidissait. Je lui mis alors la tasse aux lèvres. Le pauvre petit but d'une manière effrayante, par 3 ou 4 gorgées convulsives, et l'eau fit un bruit singulier dans son gosier. Enfin, il s'accrocha désespérément à moi, et j'aperçus ses yeux, tirés par une force intérieure, devenir blancs, ses membres perdre leur souplesse. Je jetai des cris affreux, Louis vint. « un médecin, il meurt !» lui criai-je. Louis disparut et mon pauvre Armand dit encore « Maman, maman !» en se cramponnant à moi. Ce fut le dernier moment où il sut qu'il avait une mère. Les jolis vaisseaux de son front se sont injectés et la convulsion a commencé. Une heure avant l'arrivée des médecins, je tenais cet enfant si vivace, si blanc et rose, cette fleur qui faisait mon orgueil et ma joie, raide comme un morceau de bois. Et quels yeux! Je frémis en me les rappelant. Noirs, crispés, rabougris, muets, mon gentil Armand était une momie. Un médecin, 2 médecins amenés de Marseille par Louis, restaient là plantés sur leurs jambes comme des oiseaux de mauvais augure. Ils me faisaient frissonner. L'un parlait de fièvre cérébrale, l'autre voyait des convulsions comme en ont les enfants. Le médecin de notre canton me paraissait être le plus sage parce qu'il ne prescrivait rien. « C'est les dents, » disait le second. « C'est une fièvre, » disait le premier. Enfin, on convint de mettre des sangsues au cou et de la glace sur la tête. Je me sentais mourir. Être là, voir un cadavre bleu ou noir, pas un cri, pas un mouvement, au lieu d'une créature si bruyante et si vive. Il y eut un moment où ma tête s'est égarée, et où j'ai eu comme un rire nerveux en voyant ce joli cou, que j'avais tant baisé, mordu par des sangsues, et cette charmante tête sous une calotte de glace. Ma chère, il a fallu lui couper cette jolie chevelure que nous admirions tant, et que tu avais caressé, pour pouvoir mettre la glace. De 10 en 10 minutes, comme dans mes douleurs d'accouchement, la convulsion revenait, et le pauvre petit se tordait, tantôt pâle, tantôt violet. En se rencontrant, ses membres si flexibles rendaient un son comme si c'eût été du bois. Cette créature insensible m'avait souri, m'avait parlé, m'appelait naguère encore « maman ». À ces idées, des masses de douleurs me traversaient l'âme en l'agitant comme des ouragans agitent la mer. Et je sentais tous les liens par lesquels un enfant tient à notre cœur ébranlé. ma mère, qui peut-être m'aurait aidé, conseillé ou consolé, est à Paris. Les mères en savent plus sur les convulsions que les médecins, je crois. Après 4 jours et 4 nuits passées dans des alternatives et des craintes qui m'ont presque tué, les médecins furent tous d'avis d'appliquer une affreuse pommade pour faire des plaies. Oh, des plaies à mon Armand qui jouait 5 jours auparavant, qui souriait, qui s'essayait à dire « ma reine ». Je me suis refusé en voulant me confier à la nature. Louis me grondait, il croyait les médecins. Un homme est toujours homme, mais il y a dans ces terribles maladies des instants où elles prennent la forme de la mort. Et pendant un de ces instants, ce remède que j'abominais me parut être le salut d'Armand. Ma Louise, la peau était si sèche, si rude, si aride, que l'onguent ne prit pas. Je me mis alors à fondre en larmes pendant si longtemps au-dessus du lit que le chevet en fut mouillé. Les médecins dînaient, eux. Me voyant seul, j'ai débarrassé mon enfant de tous les topiques de la médecine, je l'ai pris, quasi folle, entre mes bras, je l'ai serré contre ma poitrine, j'ai appuyé mon front à son front en priant Dieu de lui donner ma vie, tout en essayant de la lui communiquer. Je l'ai tenu pendant quelques instants ainsi, voulant mourir avec lui pour n'en être séparé ni dans la vie ni dans la mort. Ma chère, j'ai senti les membres fléchir. La convulsion a cédé. Mon enfant a remué. Les sinistres et horribles couleurs ont disparu. J'ai crié comme quand il était tombé malade. Les médecins ont monté. Je leur ai fait voir Armand. « Il est sauvé !» s'est écrié le plus âgé des médecins. « Oh ! Quelle parole, quelle musique !» Les cieux s'ouvraient. En effet, 2 heures après, Armand renaissait. Mais j'étais anéanti. Il a fallu, pour m'empêcher de faire quelque maladie, le baume de la joie. Ô mon Dieu, par quelle douleur attachez-vous l'enfant à sa mère? Quel clou vous nous enfoncez au cœur pour qu'il y tienne? N'étais-je donc pas assez mère encore, moi que les bégaiements et les premiers pas de cet enfant ont fait pleurer de joie, moi qui l'étudie pendant des heures entières pour bien accomplir mes devoirs et m'instruire au doux métier de mère? Était-il besoin de causer ces terreurs, d'offrir ces épouvantables images à celle qui fait de son enfant une idole? Au moment où je t'écris, notre Armand joue. Il crie, il rit. Je cherche alors les causes de cette horrible maladie des enfants, en songeant que je suis grosse. Est-ce la pousse des dents? Est-ce un travail particulier qui se fait dans le cerveau? Les enfants qui subissent des convulsions ont-ils une imperfection dans le système nerveux? Toutes ces idées m'inquiètent autant pour le présent que pour l'avenir. Notre médecin de campagne tient pour une excitation nerveuse causée par les dents. Je donnerais toutes les miennes pour que celles de notre petit Armand fussent faites. Quand je vois une de ces perles blanches poindre au milieu de sa gencive enflammée, il me prend maintenant des sueurs froides. L'héroïsme avec lequel ce cher ange souffre m'indique qu'il aura tout mon caractère. Il me jette des regards à fendre le cœur. La médecine ne sait pas grand-chose sur les causes de cette espèce de tétanos qui finit aussi rapidement qu'il commence, qu'on ne peut ni prévenir ni guérir. Je te le répète, une seule chose est certaine, voir son enfant en convulsion, voilà l'enfer pour une mère. Avec quelle rage je l'embrasse. Oh, comme je le tiens longtemps sur mon bras, en le promenant. Avoir eu cette douleur quand je dois accoucher de nouveau dans 6 semaines, c'était une horrible aggravation du martyre. J'avais peur pour l'autre. Adieu, ma chère et bien-aimée Louise. Ne désire pas d'enfant. Voilà mon dernier mot. Fin de la 41e section. Quarante-deuxième section des scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoire de 2 jeunes mariés, par Honoré de Balzac. 41. De la baronne de Macumer à la vicomtesse de l'Estorade. Paris. Pauvre ange, Macumer et moi nous t'avons pardonné tes mauvaisetés en apprenant combien tu as été tourmentée. J'ai frissonné, j'ai souffert en lisant les détails de cette double torture, et me voilà moins chagrine de ne pas être mère. Je m'empresse de t'annoncer la nomination de Louis, qui peut porter la rosette d'officier. Tu désirais une petite fille, probablement tu en auras une, heureuse Renée. Le mariage de mon frère et de mademoiselle de Mortsauf a été célébré à notre retour. Notre charmant roi, qui vraiment est d'une bonté admirable, a donné à mon frère la survivance de la charge de premier gentilhomme de la chambre dont est revêtu son beau-père. La charge doit aller avec les titres, a-t-il dit au duc de Lenoncourt-Givry. Mon père avait 100 fois raison. Sans ma fortune, rien de tout cela n'aurait eu lieu. Mon père et ma mère sont venus de Madrid pour ce mariage, et y retournent après la fête que je donne demain aux nouveaux mariés. Le carnaval sera très brillant. Le duc et la duchesse de Soria sont à Paris. Leur présence m'inquiète un peu. Marie Hérédia est certes une des plus belles femmes de l'Europe. Je n'aime pas la manière dont Felipe la regarde. Aussi redoublé-je d'amour et de tendresse. Elle ne t'aurait jamais aimé ainsi, est une parole que je me garde bien de dire, mais qui est écrite dans tous mes regards, dans tous mes mouvements. Dieu sait si je suis élégante et coquette. Hier, madame de Maufrigneuse me disait « Cher enfant, il faut vous rendre les armes. » Enfin, j'amuse tant Felipe qu'il doit trouver sa belle-sœur bête comme une vache espagnole. J'ai d'autant moins de regrets de ne pas faire un petit abencerrage que la duchesse accouchera sans doute à Paris. Elle va devenir laide. Si elle a un garçon, il se nommera Felipe en l'honneur du banni. Un malicieux hasard fera que je serai encore ma reine. Adieu, chère. J'irai de bonne heure cette année à Chantepleur, car notre voyage a coûté des sommes exorbitantes. Je partirai vers la fin de mars afin d'aller vivre avec économie en Nivernais. Paris m'ennuie d'ailleurs. Felipe soupire, autant que moi, après la belle solitude de notre parc, nos fraîches prairies et notre Loire pailletée par ses sables, à laquelle aucune rivière ne ressemble. Chantepleur me paraîtra délicieux après les pompes et les vanités de l'Italie, car, après tout, la magnificence est ennuyeuse, et le regard d'un amant est plus beau qu'un capot d'opéra, qu'un bel quadro. Nous t'y attendrons. Je ne serai plus jalouse de toi. Tu pourras sonder à ton aise le cœur de mon Macumer, y pêcher des interjections, en ramener des scrupules. Je te le livre avec une superbe confiance. Depuis la scène de Rome, Felipe m'aime davantage. Il m'a dit hier, il regarde par-dessus mon épaule, que sa belle-sœur, la Marie de sa jeunesse, sa vieille fiancée, la princesse Hérédia, son premier rêve était stupide. Ô cher, je suis pire qu'une fille d'opéra. Cette injure m'a causé du plaisir. J'ai fait remarquer à Felipe qu'elle ne parlait pas correctement le français. Elle prononce « exemple »,« saint » pour « cinq », « che » pour « je ». Enfin, elle est belle, mais elle n'a pas de grâce, elle n'a pas la moindre vivacité dans l'esprit. Quand on lui adresse un compliment, elle vous regarde comme une femme qui ne serait pas habituée à en recevoir. Du caractère dont il est, il aurait quitté Marie après 2 mois de mariage. Le duc de Soria, Don Fernand, est très bien assorti avec elle. Il a de la générosité, mais c'est un enfant gâté. Cela se voit. Je pourrais être méchante et te faire rire, mais je m'en tiens au vrai. 1000 tendresses, mon ange. Fin de la 42e section. Section des scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoire de 2 jeunes mariés, par Honoré de Balzac. 42. Renée à Louise. Ma petite fille a 2 mois. Ma mère a été la marraine, et un vieux grand-oncle de Louis, le parrain de cette petite qui se nomme Jeanne Athénaïs. Dès que je le pourrai, je partirai pour vous aller voir à Chantepleurs, puisqu'une nourrice ne vous effraye pas. Ton filleul dit ton nom. Il le prononce « Matoumer », car il ne peut pas dire les « c » autrement. Tu en raffoleras. Il a toutes ses dents. Il mange maintenant de la viande comme un grand garçon. Il court et trotte comme un rat. Mais je l'enveloppe toujours de regards inquiets, et je suis au désespoir de ne pouvoir le garder près de moi pendant mes couches, qui exigent plus de 40 jours de chambre à cause de quelques précautions ordonnées par les médecins. Hélas, mon enfant, on ne prend pas l'habitude d'accoucher. Les mêmes douleurs et les mêmes appréhensions reviennent. Cependant, ne montre pas ma lettre à Felipe. Je suis pour quelque chose dans la façon de cette petite fille qui fera peut-être tort à ton Armand. Mon père a trouvé Felipe maigri, et ma chère mignonne un peu maigrie aussi. Cependant, le duc et la duchesse de Soria sont partis. Il n'y a plus le moindre sujet de jalousie. Me cacherais-tu quelque chagrin? Ta lettre n'était ni aussi longue, ni aussi affectueusement pensée que les autres. Est-ce seulement un caprice de ma chère capricieuse? En voici trop. Ma garde me gronde de t'avoir écrit, et mademoiselle Athénaïs de l'Estorade veut dîner. Adieu donc. Écris-moi de bonnes longues lettres. Fin de la 43e section. Quarante-quatrième section des scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoire de deux jeunes mariés, par Honoré de Balzac. 43. Madame de Macumer à la comtesse de l'Estorade. Pour la première fois de ma vie, ma chère Renée, j'ai pleuré seule sous un saule, sur un banc de bois, au bord de mon long étang de Chantepleurs, une délicieuse vue que tu vas venir embellir, car il n'y manque que de joyeux enfants. Ta fécondité m'a fait faire un retour sur moi-même, qui n'ai point d'enfant après bientôt 3 ans de mariage. Oh, pensais-je, quand je devrais souffrir 100 fois plus que Renée n'a souffert en accouchant de mon filleul, quand je devrais voir mon enfant en convulsion, faites, mon Dieu, que j'ai une angélique créature comme cette petite Athénaïs, que je vois d'ici aussi belle que le jour, car tu ne m'en as rien dit. J'ai reconnu là ma Renée. Il me semble que tu devines mes souffrances. Chaque fois que mes espérances sont déçues, je suis pendant plusieurs jours la proie d'un chagrin noir. Je faisais alors de sombres élégies. Quand broderais-je le petit bonnet? Quand choisirais-je la toile d'une layette? Quand coudrais-je de jolies dentelles pour envelopper une petite tête? Ne dois-je donc jamais entendre une de ces charmantes créatures m'appeler « maman », me tirer par ma robe, me tyranniser? Ne verrai-je donc pas sur le sable les traces d'une petite voiture? Ne ramasserai-je pas des joujoux cassés dans ma cour? N'irai-je pas, comme tant de mères que j'ai vues, chez les bimbelotiers acheter des sabres, des poupées, de petits ménages? Ne verrai-je point se développer cette vie et cet ange qui sera un autre Felipe plus aimé? Je voudrais un fils pour savoir comment on peut aimer son amant plus qu'il ne l'est dans un autre lui-même. Mon parc, le château me semble désert et froid. Une femme sans enfant est une monstruosité. Nous ne sommes faites que pour être mères. Oh, docteur encorsé que tu as bien vu la vie. La stérilité d'ailleurs est horrible en toutes choses. Ma vie ressemble un peu trop aux bergeries de Gessner et de Florian, desquelles Rivarol disait qu'on y désirait des loups. Je veux être dévoué aussi, moi. je sens en moi des forces que Felipe néglige, et, si je ne suis pas mère, il faudra que je me passe la fantaisie de quelque malheur. Voilà ce que je viens de dire à mon restant de mort, à qui ces mots ont fait venir des larmes aux yeux. Il en a été quitte pour être appelé une sublime bête. On ne peut pas le plaisanter sur son amour. Par moments, il me prend envie de faire des neuvaines, d'aller demander la fécondité à certaines madones ou à certaines eaux. L'hiver prochain, je consulterai des médecins. Je suis trop furieuse contre moi-même pour t'en dire davantage. Adieu. Fin de la 44e section. Quarante-cinquième section des scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoire de deux jeunes mariés par Honoré de Balzac. 44. De la même à la même. Paris, 1829. Comment, ma chère, un an sans lettres? Je suis un peu piqué. Crois-tu que ton Louis, qui m'est venu voir presque tous les deux jours, te remplace? Il ne me suffit pas de savoir que tu n'es pas malade et que vos affaires vont bien. Je veux tes sentiments et tes idées, comme je te livre les miennes, au risque d'être grondé, ou blâmé, ou méconnu, car je t'aime. Ton silence et ta retraite à la campagne, quand tu pourrais jouir ici des triomphes parlementaires du comte de l'Estorade, dont la parloterie et le dévouement lui ont acquis une influence, et qui sera sans doute placé très haut après la session, me donnent de graves inquiétudes. Passes-tu donc ta vie à lui écrire des instructions? Numa n'était pas si loin de son égérie. Pourquoi n'as-tu pas saisi l'occasion de voir Paris? Je jouirai de toi depuis 4 mois. Louis m'a dit hier que tu viendrais le chercher et faire tes 3e couche à Paris. Affreuse mère gigogne que tu es! Après bien des questions et des hélas et des plaintes, Louis, quoique diplomate, a fini par me dire que son grand-oncle, le parrain d'Athénaïs, était fort mal. Or, je te suppose, en bonne mère de famille, capable de tirer parti de la gloire et des discours du député pour obtenir un legs avantageux du dernier parent maternel de ton mari. Sois tranquille, ma Renée. Les Lenoncourt, les Chaulieu, le salon de madame de Macumer travaillent pour Louis. Martignac le mettra sans doute à la Cour des comptes. Mais si tu ne me dis pas pourquoi tu restes en province, je me fâche. Est-ce pour ne pas avoir l'air d'être toute la politique de la maison de l'Estorade? Est-ce pour la succession de l'oncle? As-tu craint d'être moins mère à Paris? Oh, comme je voudrais savoir si c'est pour ne pas t'y faire voir, pour la première fois dans ton état de grossesse, coquette. Adieu. Fin de la 45e section. Quarante-sixième section des scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoire de deux jeunes mariés par Honoré de Balzac. 45. René à Louise. Tu te plains de mon silence. Tu oublies donc ces deux petites têtes brunes que je gouverne et qui me gouvernent. Tu as d'ailleurs trouvé quelques-unes des raisons que j'avais pour garder la maison. Outre l'état de notre précieux oncle, je n'ai pas voulu traîner à Paris un garçon d'environ 4 ans et une petite fille de 3 ans, bientôt, quand je suis encore grosse. Je n'ai pas voulu embarrasser ta vie et ta maison d'un pareil ménage. Je n'ai pas voulu paraître à mon désavantage dans le brillant monde où tu règnes, et j'ai les appartements garnis, la vie des hôtels en horreur. Le grand-oncle de Louis, en apprenant la nomination de son petit-neveu, m'a fait présent de la moitié de ses économies, 200 000 francs, pour acheter à Paris une maison, et Louis est chargé d'en trouver une dans ton quartier. Ma mère me donne une 30aine de 1000 francs pour les meubles. quand je viendrai m'établir pour la session à Paris, j'y viendrai chez moi. Enfin, je tâcherai d'être digne de ma chère sœur d'élection, soit dit sans jeu de mots. Je te remercie d'avoir mis Louis aussi bien en cour qu'il l'est. Mais malgré l'estime que font de lui messieurs de Bourmont et de Polignac, qui veulent l'avoir dans leur ministère, je ne le souhaite point si fort en vue. On est alors trop compromis. Je préfère la Cour des comptes, à cause de son inamovibilité. Nos affaires seront ici dans de très bonnes mains, et, une fois que notre régisseur sera bien au fait, je viendrai seconder Louis, sois tranquille. Quant à écrire maintenant de longues lettres, le puis-je ? Celle-ci, dans laquelle je voudrais pouvoir te peindre le train ordinaire de mes journées, restera sur ma table pendant 8 jours. Peut-être Armand en fera-t-il des cocottes pour ses régiments alignés sur mes tapis ou des vaisseaux pour les flottes qui voguent sur son bain. Un seul de mes jours te suffira d'ailleurs. Ils se ressemblent tous et se réduisent à 2 événements. Les enfants souffrent ou les enfants ne souffrent pas. À la lettre, pour moi, dans cette bastide solitaire, les minutes sont des heures et les heures sont des minutes, selon l'état des enfants. Si j'ai quelques heures délicieuses, je les rencontre pendant leur sommeil, quand je ne suis pas à bercer l'une et à conter des histoires à l'autre pour les endormir. Quand je les tiens endormis près de moi, je me dis « je n'ai plus rien à craindre ». En effet, mon ange, durant le jour, toutes les mères inventent des dangers. Dès que les enfants ne sont plus sous leurs yeux, c'est des rasoirs volés avec lesquels Armand a voulu jouer, le feu qui prend à sa jaquette, un orvet qui peut le mordre, une chute en courant qui peut faire un dépôt à la tête, ou les bassins où il peut se noyer. Comme tu le vois, la maternité comporte une suite de poésies douces ou terribles. Pas une heure qui n'ait ses joies et ses craintes. Mais le soir, dans ma chambre, arrive l'heure de ces rêves éveillés pendant laquelle j'arrange leur destinée. Leur vie est alors éclairée par le sourire des anges que je vois à leur chevet. Quelquefois, Armand m'appelle dans son sommeil. Je viens à son insu baiser son front et les pieds de sa sœur en les contemplant tous deux dans leur beauté. Voilà mes fêtes. Hier, notre ange gardien, je crois, m'a fait courir au milieu de la nuit, inquiète, au berceau d'Athénaïs, qui avait la tête trop bas, et j'ai trouvé notre Armand tout découvert, les pieds violés de froid. « Oh, petite mère !» m'a-t-il dit en s'éveillant et en m'embrassant. « Voilà, ma chère, une scène de nuit. Combien il est utile à une mère d'avoir ses enfants à côté d'elle. Est-ce une bonne, tant bonne soit-elle, qui peut les prendre, les rassurer et les rendormir quand quelque horrible cauchemar les a réveillés? Car ils ont leurs rêves. Et leur expliquer un de ces terribles rêves est une tâche d'autant plus difficile qu'un enfant écoute alors sa mère d'un œil à la fois endormi, effaré, intelligent et niais. C'est un point d'orgue entre deux sommeils. Aussi, mon sommeil est-il devenu si léger que je vois mes deux petits et les entends à travers la gaze de mes paupières. Je m'éveille à un soupir, à un mouvement. Le monstre des convulsions est pour moi toujours accroupi au pied de leur lit. Au jour, le ramage de mes deux enfants commence avec les premiers cris des oiseaux. À travers les voiles du dernier sommeil, leur baragouinage ressemble au gazouillement du matin, aux disputes des hirondelles, petits cris joyeux ou plaintifs, que j'entends moins par les oreilles que par le cœur. Pendant que Naïs essaye d'arriver à moi en opérant le passage de son berceau à mon lit, en se traînant sur ses mains et faisant des pas mal assurés, Armand grimpe avec l'adresse d'un singe et m'embrasse. Ces deux petits font alors de mon lit le théâtre de leur jeu, où la mère est à leur discrétion. La petite me tire les cheveux, veut toujours téter, et Armand défend ma poitrine comme si c'était son bien. Je ne résiste pas à certaines pauses, à des rires qui partent comme des fusées et qui finissent par chasser le sommeil. On joue alors à l'ogresse, et mère ogresse mange alors de caresses cette jeune chair si blanche et si douce. Elle baise à outrance ses yeux si coquets dans leur malice, ses épaules de rose, et l'on excite de petites jalousies qui sont charmantes. Il y a des jours où j'essaye de mettre mes bas à 8 heures et où je n'en ai pas encore mis un à 9 heures. Enfin, ma chère, on se lève. Les toilettes commencent, je passe mon peignoir, on retrousse ses manches, on prend devant soi le tablier ciré. Je baigne et nettoie alors mes deux petites fleurs, assistées de Mary. Moi seule, je suis juge du degré de chaleur ou de tiédeur de l'eau, car la température des eaux est pour la moitié dans les cris, dans les pleurs des enfants. Alors s'élèvent les flottes de papier, les petits canards de verre. Il faut amuser les enfants pour pouvoir bien les nettoyer. Si tu savais tout ce qu'il faut inventer de plaisir à ces rois absolus, pour pouvoir passer de douces éponges dans les moindres coins, tu serais effrayé de l'adresse et de l'esprit qu'exige le métier de mère accompli glorieusement. On supplie, on gronde, on promet, on devient d'une charlatanerie d'autant plus supérieure qu'elle doit être admirablement cachée. On ne saurait que devenir si, à la finesse de l'enfant, Dieu n'avait opposé la finesse de la mère. Un enfant est un grand politique dont on se rend maître comme du grand politique, par ses passions. Heureusement, ces anges rient de tout. Une brosse qui tombe, une brique de savon qui glisse, voilà des éclats de joie. Enfin, si les triomphes sont chèrement achetés, il y a du moins des triomphes. Mais Dieu seul, car le Père lui-même ne sait rien de cela, Dieu, toi ou les anges, vous seul donc pourriez comprendre les regards que j'échange avec Mary quand, après avoir fini d'habiller nos deux petites créatures, nous les voyons propres au milieu des savons, des éponges, des peignes, des cuvettes, des papiers brouillards, des flanelles, des mille détails d'une véritable nursery. Je suis devenue anglaise en ce point. Je conviens que les femmes de ce pays ont le génie de la nourriture. Quoiqu'elles ne considèrent l'enfant qu'au point de vue du bien-être matériel et physique, elles ont raison dans leur perfectionnement. Aussi, mes enfants auront-ils toujours les pieds dans la flanelle et les jambes nues. Ils ne seront ni serrés ni comprimés. Mais aussi, jamais ne seront-ils seuls. L'asservissement de l'enfant français dans ses bandelettes et la liberté de la nourrice, voilà le grand mot. Une vraie mère n'est pas libre. Voilà pourquoi je ne t'écris pas, ayant sur les bras l'administration du domaine et de 2 enfants à élever. La science de la mère comporte des mérites silencieux, ignorés de tous, sans parade, une vertu en détail, un dévouement de toutes les heures. Il faut surveiller les soupes qui se font devant le feu. Me crois-tu femme à me dérober à un soin? Dans le moindre soin, il y a de l'affection à récolter. Oh! C'est si joli le sourire d'un enfant qui trouve son petit repas excellent. Armand a des hochements de tête qui valent toute une vie d'amour. Comment laisser à une autre femme le droit, le soin, le plaisir de souffler sur une cuillerée de soupe que Naïs trouvera trop chaude, elle que j'ai sevrée il y a 7 mois, et qui se souvient toujours du sein. Quand une bonne a brûlé la langue et les lèvres d'un enfant avec quelque chose de chaud, elle dit à la mère qui accourt que c'est la faim qui le fait crier. Mais comment une mère dort-elle en paix avec l'idée que des haleines impures peuvent passer sur les cuillerées avalées par son enfant, elle à qui la nature n'a pas permis d'avoir un intermédiaire entre son sein et les lèvres de son nourrisson? Découper la côtelette de Naïs qui fait ses dernières dents et mélanger cette viande cuite à point avec des pommes de terre est une œuvre de patience, et vraiment il n'y a qu'une mère qui puisse savoir, dans certains cas, faire manger en entier le repas à un enfant qui s'impatiente. Ni domestiques nombreux, ni bonnes anglaises ne peuvent donc dispenser une mère de donner en personne sur le champ de bataille où la douceur doit lutter contre les petits chagrins de l'enfance, contre ses douleurs. Tiens, Louise, il faut soigner ces chers innocents avec son âme. Il faut ne croire qu'à ses yeux, qu'au témoignage de la main pour la toilette, pour la nourriture et pour le coucher. En principe, le cri d'un enfant est une raison absolue qui donne tort à sa mère ou à sa bonne, quand le cri n'a pas pour cause une souffrance voulue par la nature. depuis que j'en ai deux et bientôt trois à soigner, je n'ai rien dans l'âme que mes enfants. Et toi-même, que j'aime tant, tu n'es qu'à l'état de souvenir. Je ne suis pas toujours habillée à 2 heures. Aussi ne croyais-je pas aux mères qui ont des appartements rangés, des cols, des robes, des affaires en ordre. Hier, au premier jour d'avril, il faisait beau. J'ai voulu les promener avant mes couches dont l'heure tinte. Eh bien, pour une mère, c'est tout un poème qu'une sortie, et l'on se le promet la veille pour le lendemain. Armand devait mettre pour la première fois une jaquette de velours noir, une nouvelle collerette que j'avais brodée, une toque écossaise aux couleurs des Stuart et à plumes de coq. Naïs allait être en blanc et rose avec les délicieux bonnets des babies, car elle est encore un baby. Elle va perdre ce joli nom qu'en viendra le petit qui me donne des coups de pied et que j'appelle mon mendiant, car il sera le cadet. J'ai vu déjà mon enfant en rêve et sais que j'aurai un garçon. Bonnet, collerette, jaquette, les petits bas, les souliers mignons, les bandelettes roses pour les jambes, la robe en mousseline brodée à dessin en soie, tout était sur mon lit. Quand ces deux oiseaux si gais et qui s'entendent si bien ont eu leur chevelure brune bouclée chez l'un, doucement amenée sur le front et bordant le bonnet blanc et rose chez l'autre, quand les souliers ont été agrafés, quand ces petits mollets nus, ces pieds si bien chaussés ont trotté dans la nursery, quand ces deux faces « cleans », comme dit Mary, en français limpide, quand ces yeux pétillants ont dit « allons », je palpitais. Oh, voir des enfants parés par nos mains, voir cette peau si fraîche où brillent les veines bleues quand on les a baignées, étuvées, épongées soi-même, rehaussées par les vives couleurs du velours ou de la soie. Mais c'est mieux qu'un poème. Avec quelle passion, satisfaite à peine, on les rappelle pour rebaiser ces coups qu'une simple collerette rend plus jolie que celui de la plus belle femme. Ces tableaux, devant lesquels les plus stupides lithographies coloriées arrêtent toutes les mères, moi, je les fais tous les jours. Une fois sorti, jouissant de mes travaux, admirant ce petit Armand qui avait l'air du fils d'un prince et qui faisait marcher le baby le long de ce petit chemin que tu connais, une voiture est venue. J'ai voulu les ranger, les deux enfants ont roulé dans une flaque de boue, et voilà mes chefs-d'œuvre perdus. Il a fallu les rentrer et les habiller autrement. J'ai pris ma petite dans mes bras, sans voir que je perdais ma robe. Mary s'est emparée d'Armand et nous voilà rentrés. Quand un bébé crie et qu'un enfant se mouille, tout est dit. Une mère ne pense plus à elle, elle est absorbée. Le dîner arrive, je n'ai la plupart du temps rien fait. Et comment puis-je suffire à les servir tous deux, à mettre les serviettes, à relever les manches et à les faire manger? C'est un problème que je résous 2 fois par jour. Au milieu de ces soins perpétuels, de ces fêtes ou de ces désastres, il n'y a d'oublié que moi dans la maison. Il m'arrive souvent de rester en papillote quand les enfants ont été méchants. Ma toilette dépend de leur humeur. Pour avoir un moment à moi, pour t'écrire ces 6 pages, il faut qu'ils découpent les images de mes romances, qu'ils fassent des châteaux avec des livres, avec des échecs ou des jetons de nacre, que Naïs dévide mes soies ou mes laines à sa manière qui, je t'assure, est si compliquée qu'elle y met toute sa petite intelligence et ne souffle mot. Après tout, je n'ai pas à me plaindre. Mes deux enfants sont robustes, libres, et ils s'amusent à moins de frais qu'on ne pense. Ils sont heureux de tout, il leur faut plutôt une liberté surveillée que des joujoux. Quelques cailloux roses, jaunes, violets ou noirs, de petits coquillages, les merveilles du sable font leur bonheur. Posséder beaucoup de petites choses, voilà leur richesse. J'examine Armand, il parle aux fleurs, aux mouches, aux poules, il les imite, il s'entend avec les insectes qui le remplissent d'admiration. Tout ce qui est petit les intéresse. Armand commence à demander le pourquoi de toute chose. Il est venu voir ce que je disais à sa marraine. Il te prend d'ailleurs pour une fée et voit comme les enfants ont toujours raison. Hélas, mon ange, je ne voulais pas t'attrister en te racontant ses félicités. Voici pour te peindre ton filleul. L'autre jour, un pauvre nous suit, car les pauvres savent qu'aucune mère accompagnée de son enfant ne leur refuse jamais une aumône. Armand ne sait pas encore qu'on peut manquer de pain. Il ignore ce qu'est l'argent. Mais comme il venait de désirer une trompette que je lui avais achetée, il l'attend d'un air royal au vieillard en lui disant « Tiens, prends !»« Me permettez-vous de la garder ?» me dit le pauvre. « Quoi sur la terre mettre en balance avec les joies d'un pareil moment ?»« C'est que, madame, moi aussi j'ai eu des enfants, » me dit le vieillard en prenant ce que je lui donnais sans y faire attention. Quand je songe qu'il faudra mettre dans un collège un enfant comme Armand, que je n'ai plus que 3 ans et demi à le garder, il me prend des frissons. L'instruction publique fauchera les fleurs de cette enfance bénie à toute heure, dénaturalisera ses grâces et ses adorables franchises. On coupera cette chevelure frisée que j'ai tant soignée, nettoyée et baisée. Que fera-t-on de cette âme d'Armand? Et toi, que deviens-tu? Tu ne m'as rien dit de ta vie. Aimes-tu toujours Felipe? Car je ne suis pas inquiète du sarrasin. Adieu. Naïs vient de tomber, et si je voulais continuer cette lettre, ferait un volume. Fin de la 46e section. Section des scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scène de la vie privée, tome 2, Mémoire de deux jeunes mariés, par Honoré de Balzac. 46. Madame de Macumer à la Comtesse de l'Estorade. 1829. Les journaux t'auront appris, ma bonne et tendre Renée, l'horrible malheur qui a fondu sur moi. Je n'ai pu t'écrire un seul mot. Je suis resté à son chevet pendant une 20aine de jours et de nuits. J'ai reçu son dernier soupir. Je lui ai fermé les yeux. Je l'ai gardé pieusement avec les prêtres et j'ai dit les prières des morts. Je me suis infligé le châtiment de ses épouvantables douleurs et cependant, en voyant sur ses lèvres sereines le sourire qu'il m'adressait avant de mourir, je n'ai pu croire que mon amour l'ait tué. Enfin, il n'est plus, et moi je suis. À toi qui nous as bien connus, que puis-je dire de plus? Tout est dans ces deux phrases. Oh, si quelqu'un pouvait me dire qu'on peut le rappeler à la vie, je donnerais ma part du ciel pour entendre cette promesse, car ce serait le revoir. Et le ressaisir ne fût-ce que pendant 2 secondes, ce serait respirer le poignard hors du cœur. Ne viendras-tu pas bientôt me dire cela? Ne m'aimes-tu pas assez pour me tromper? Mais non, tu m'as dit à l'avance que je lui faisais de profondes blessures. Est-ce vrai? Non, je n'ai pas mérité son amour. Tu as raison, je l'ai volé. Le bonheur, je l'ai étouffé dans mes étreintes insensées. Oh, en t'écrivant, je ne suis plus folle, mais je sens que je suis seule. Seigneur, qu'est-ce qu'il y aura de plus dans votre enfer que ce mot-là? Quand on me l'a enlevé, je me suis couchée dans le même lit, espérant mourir, car il n'y avait qu'une porte entre nous. Je me croyais encore assez de force pour la pousser. Mais, hélas, j'étais trop jeune, et après une convalescence de 40 jours, pendant lesquels on m'a nourri avec un art affreux par les inventions d'une triste science, je me vois à la campagne, assise à ma fenêtre au milieu des belles fleurs qu'il faisait soigner pour moi, jouissant de cette vue magnifique sur laquelle ses regards ont tant de fois erré, qu'il s'applaudissait tant d'avoir découverte, puisqu'elle me plaisait. Ah, chère, la douleur de changer de place est inouïe quand le cœur est mort. La terre humide de mon jardin me fait frissonner, la terre est comme une grande tombe, et je crois marcher sur lui. À ma première sortie, j'ai eu peur et suis resté immobile. C'est bien lugubre de voir ces fleurs, sans lui, ma mère et mon père sont en Espagne. Tu connais mes frères, et toi tu es obligé d'être à la campagne. Mais sois tranquille. Deux anges avaient volé vers moi. Le duc et la duchesse de Soria, ces deux charmants êtres, sont accourus vers leurs frères. Les dernières nuits ont vu nos trois douleurs calmes et silencieuses autour de ce lit où mourait l'un de ces hommes vraiment nobles et vraiment grands, qui sont si rares et qui nous sont alors supérieurs en toutes choses. La patience de mon Felipe a été divine. La vue de son frère et de Marie a pour un moment rafraîchi son âme et apaisé ses douleurs. « Cher, m'a-t-il dit avec la simplicité qu'il mettait en toutes choses, j'allais mourir en oubliant de donner à Fernand la baronnie de Macumer. Il faut refaire mon testament. Mon frère me pardonnera, lui qui sait ce qu'est d'aimer. Je dois la vie aux soins de mon beau-frère et de sa femme. Ils veulent m'emmener en Espagne. Ah, René, ce désastre, je ne puis en dire qu'à toi la portée. » Les sentiments de mes fautes m'accablent, et c'est une amère consolation que de te les confier, pauvre Cassandre inécoutée. Je l'ai tué par mes exigences, par mes jalousies hors de propos, par mes continuelles tracasseries. Mon amour était d'autant plus terrible que nous avions une exquise et même sensibilité. Nous parlions le même langage, il comprenait admirablement tout, et souvent ma plaisanterie allait, sans que je m'en doutasse, au fond de son cœur. Tu ne saurais imaginer jusqu'où ce cher esclave poussait l'obéissance. Je lui disais parfois de s'en aller et de me laisser seul. Il sortait sans discuter une fantaisie de laquelle peut-être il souffrait. Jusqu'à son dernier soupir, il m'a béni, en me répétant qu'une seule matinée, seul à seul avec moi, valait plus pour lui qu'une longue vie avec une autre femme aimée, fût-ce Marie Hérédia. Je pleure en t'écrivant ces paroles. Maintenant, je me lève à midi, je me couche à 7 heures du soir, je mets un temps ridicule à mes repas, je marche lentement, je reste 1 heure devant une plante, je regarde les feuillages, je m'occupe avec mesure et gravité de rien. J'adore l'ombre, le silence et la nuit. Enfin, je combats les heures et je les ajoute avec un sombre plaisir au passé. La paix de mon parc est la seule compagnie que je veuille. J'y trouve en toutes choses les sublimes images de mon bonheur éteintes, invisibles pour tous, éloquentes et vives pour moi. Ma belle-sœur s'est jetée dans mes bras quand un matin je leur ai dit: vous m'êtes insupportable. Les Espagnols ont quelque chose de plus que nous, de grand dans l'âme. Ah, Renée, si je ne suis pas morte, c'est que Dieu proportionne sans doute le sentiment du malheur à la force des affligés. Il n'y a que nous autres femmes qui sachions l'étendue de nos pertes, quand nous perdons un amour sans aucune hypocrisie, un amour de choix, une passion durable dont les plaisirs satisfaisaient à la fois l'âme et la nature. Quand rencontrons-nous un homme si plein de qualités que nous puissions l'aimer sans avilissement? Le rencontrer est le plus grand bonheur qui nous puisse advenir, et nous ne saurions le rencontrer 2 fois. Homme vraiment fort et grand, chez qui la vertu se cache sous la poésie, dont l'âme possède un charme élevé, fait pour être adoré, gardez-vous d'aimer, vous causeriez le malheur de la femme et le vôtre. Voilà ce que je crie dans les allées de mes bois. Et pas d'enfant de lui. Cet intarissable amour qui me souriait toujours, qui n'avait que des fleurs et des joies à me verser, cet amour fut stérile. Je suis une créature maudite. L'amour pur et violent comme il est, quand il est absolu, serait-il donc aussi fécond que l'aversion, de même que l'extrême chaleur des sables du désert et l'extrême froid du pôle empêche toute existence? Faut-il se marier avec un Louis de l'Estorade pour avoir une famille? Dieu serait-il jaloux de l'amour? Je déraisonne. Je crois que tu es la seule personne que je puisse souffrir près de moi. Viens donc, toi seule dois être avec une Louise en deuil. Quelle horrible journée que celle où j'ai mis le bonnet des veuves. Quand je me suis vue en noir, je suis tombée sur un siège et j'ai pleuré jusqu'à la nuit. Et je pleure encore en te parlant de ce terrible moment. Adieu, t'écrire me fatigue. J'ai trop de mes idées, je ne veux plus les exprimer. Amène tes enfants, tu peux nourrir le dernier ici, je ne serai plus jalouse. Il n'y est plus, et mon filleul me fera bien plaisir à voir, car Felipe souhaitait un enfant qui ressemblât à ce petit Armand. Enfin, viens prendre ta part de mes douleurs. Fin de la 47e section. Quarante-huitième section des scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoire de deux jeunes mariés par Honoré de Balzac. 47. René à Louise. 1829. Ma chérie, quand tu tiendras cette lettre entre les mains, je ne serai pas loin, car je pars quelques instants après te l'avoir envoyée. Nous serons seuls. Louis est obligé de rester en Provence à cause des élections qui vont s'y faire. Il veut être réélu, et il y a déjà des intrigues de nouer contre lui par les libéraux. Je ne viens pas te consoler. Je t'apporte seulement mon cœur pour tenir compagnie au tien et pour t'aider à vivre. Je viens t'ordonner de pleurer. Il faut acheter ainsi le bonheur de le rejoindre un jour, car il n'est qu'en voyage vers Dieu. Tu ne feras plus un seul pas qui ne te conduise vers lui. Chaque devoir accompli rompra quelques anneaux de la chaîne qui vous sépare. Allons, ma Louise, tu te relèveras dans mes bras et tu iras à lui pur, noble, pardonné de tes fautes involontaires et accompagné des œuvres que tu feras ici-bas en son nom. Je te trace ces lignes à la hâte au milieu de mes préparatifs, de mes enfants et d'Armand qui me crie « Marraine, marraine, allons la voir !» à me rendre jalouse. C'est presque ton fils. Fin de la 48e section. Quarante-neuvième section des scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scène de la vie privée, tome 2. Mémoire de deux jeunes mariés par Honoré de Balzac. Deuxième partie, 48, de la baronne de Macumer à la comtesse de l'Estorade. 15 octobre 1834. Eh bien oui, René, on a raison, on t'a dit vrai. J'ai vendu mon hôtel, j'ai vendu Chantepleurs et les fermes de Seine-et-Marne. Mais que je sois folle et ruinée, ceci est de trop. Comptons. La cloche fendue, il m'est resté de la fortune de mon pauvre Macumer, environ 1 200 000 francs. Je vais te rendre un compte fidèle en sœur bien apprise. J'ai mis 1 000 000 dans les 3% quand il était à 50 francs, et me suis fait ainsi 60 000 francs de rente au lieu de 30 que j'avais en terre. Aller 6 mois de l'année en province, y passer des baux, y écouter les doléances des fermiers qui payent quand ils veulent, s'y ennuyer comme un chasseur par un temps de pluie, avoir des denrées à vendre et les céder à perte, habiter à Paris un hôtel qui représentait 10 000 livres de rente, placer des fonds chez des notaires, attendre les intérêts, être obligé de poursuivre les gens pour avoir ses remboursements, étudier la législation hypothécaire, enfin, avoir des affaires en Nivernais, en Seine-et-Marne, à Paris, quel fardeau, quels ennuis, quels mécomptes et quelles pertes pour une veuve de 27 ans. Maintenant, ma fortune est hypothéquée sur le budget. Au lieu de payer des contributions à l'État, je reçois de lui, moi-même, sans frais, 30 000 francs tous les 6 mois au trésor, d'un joli petit employé qui me donne 30 billets de 1 000 francs et qui sourit en me voyant. « Si la France fait banqueroute, me diras-tu, d'abord, je ne sais pas prévoir les malheurs de si loin. Mais la France me retrancherait alors tout au plus la moitié de mon revenu. Je serais encore aussi riche que je l'étais avant mon placement. Puis, d'ici la catastrophe, j'aurais touché le double de mon revenu antérieur. La catastrophe n'arrive que de siècle en siècle. On a donc le temps de se faire un capital en économisant. Enfin, le comte de l'Estorade n'est-il pas père de la France semi-républicaine de Juillet? N'est-il pas un des soutiens de la couronne offerte par le peuple au roi des Français? Puis-je avoir des inquiétudes en ayant pour ami un président de chambre à la Cour des comptes, un grand financier? Ose dire que je suis folle. Je calcule presque aussi bien que ton roi citoyen. Sais-tu ce qui peut donner cette sagesse algébrique à une femme? L'amour. Hélas, le moment est venu de t'expliquer les mystères de ma conduite, dont les raisons fuyaient ta perspicacité, ta tendresse curieuse et ta finesse. Je me marie dans un village auprès de Paris, secrètement. J'aime, je suis aimé. J'aime autant qu'une femme qui sait bien ce qu'est l'amour peut aimer. Je suis aimé autant qu'un homme doit aimer la femme par laquelle il est adoré. Pardonne-moi, Renée, de m'être caché de toi, de tout le monde. Si ta Louise trompe tous les regards, déjoue toutes les curiosités, avoue que ma passion pour mon pauvre Macumer exigeait cette tromperie. L'Estorade et toi, vous m'eussiez assassiné de doutes, étourdi de remontrances. Les circonstances auraient pu d'ailleurs vous venir en aide. Toi seule sais à quel point je suis jalouse, et tu m'aurais inutilement tourmentée. Ce que tu vas nommer ma folie, ma Renée, je l'ai voulu faire à moi seule, à ma tête, à mon cœur, en jeune fille qui trompe la surveillance de ses parents. Mon amant a pour toute fortune 30 000 francs de dettes que j'ai payées. Quel sujet d'observation! Vous auriez voulu me prouver que Gaston est un intrigant et ton mari eût espionné ce cher enfant. J'ai mieux aimé l'étudier moi-même. Voici 22 mois qu'il me fait la cour. J'ai 27 ans, il en a 23. D'une femme à un homme, cette différence d'âge est énorme. Autre source de malheur. Enfin, il est poète et vivait de son travail. C'est te dire assez qu'il vivait de fort peu de choses. Ce cher lézard de poète était plus souvent au soleil à bâtir des châteaux en Espagne qu'à l'ombre de son taudis à travailler des poèmes. Or, les écrivains, les artistes, tous ceux qui n'existent que par la pensée, sont assez généralement taxés d'inconstance par les gens positifs. Ils épousent et conçoivent tant de caprices qu'il est naturel de croire que la tête réagisse sur le cœur. Malgré les dettes payées, malgré la différence d'âge, malgré la poésie, après 9 mois d'une noble défense et sans lui avoir permis de baiser ma main, après les plus chastes et les plus délicieuses amours, dans quelques jours, je ne me livre pas, comme il y a 8 ans, inexpériente, ignorante et curieuse. Je me donne et suis attendue avec une si grande soumission que je pourrais ajourner mon mariage à 1 an. Mais il n'y a pas la moindre servilité dans ceci. Il y a servage et non soumission. Jamais il ne s'est rencontré de plus noble cœur, ni plus d'esprit dans la tendresse, ni plus d'âme dans l'amour que chez mon prétendu. Hélas, mon ange, il a de qui tenir. Tu vas savoir son histoire en 2 mots. Mon ami n'a pas d'autre nom que ceux de Marie Gaston. Il est fils, non pas naturel, mais adultérin de cette belle Lady Brandon, de laquelle tu dois avoir entendu parler, et que par vengeance Lady Dudley a fait mourir de chagrin, une horrible histoire que ce cher enfant ignore. Marie Gaston a été mis par son frère, Louis Gaston, au collège de Tours, d'où il est sorti en 1827. Le frère s'est embarqué quelques jours après l'y avoir placé, allant chercher fortune, lui dit une vieille femme qui a été sa providence, à lui. Ce frère, devenu marin, lui a écrit de loin en loin des lettres vraiment paternelles et qui sont émanées d'une belle âme. Mais il se débat toujours au loin. Dans sa dernière lettre, il annonçait à Marie Gaston sa nomination au grade de capitaine de vaisseau dans je ne sais quelle république américaine, en lui disant d'espérer. Hélas, depuis 3 ans, mon pauvre lézard n'a plus reçu de lettres, et il aime tant ce frère qu'il voulait s'embarquer à sa recherche. Notre grand écrivain, Daniel d'Arthez, a empêché cette folie et s'est intéressé noblement à Marie Gaston, auquel il a souvent donné, comme l'a dit le poète dans son langage énergique, la pâtée et la niche. En effet, juge de la détresse de cet enfant. Il a cru que le génie était le plus rapide des moyens de fortune. N'est-ce pas à en rire pendant 24 heures? Depuis 1828 jusqu'en 1833, il a donc tâché de se faire un nom dans les lettres, et naturellement, il a mené la plus effroyable vie d'angoisse, d'espérance, de travail et de privation qui se puisse imaginer. Entraîné par une excessive ambition et malgré les bons conseils de d'Arthez, il n'a fait que grossir la boule de neige de ses dettes. Son nom commençait cependant à percer quand je l'ai rencontré chez la marquise d'Espard. Là, sans qu'il s'en doutât, je me suis senti éprise de lui sympathiquement à la première vue. Comment n'a-t-il pas encore été aimé? Comment me l'a-t-on laissé? Oh, il a du génie et de l'esprit, du cœur et de la fierté. Les femmes s'effraient toujours de ces grandeurs complètes. N'a-t-il pas fallu 100 victoires pour que Joséphine aperçût Napoléon dans le petit Bonaparte, son mari? L'innocente créature croit savoir combien je l'aime. Pauvre Gaston, il ne s'en doute pas, mais à toi je vais le dire. Il faut que tu le saches, car il y a, René, un peu de testament dans cette lettre. Médite bien mes paroles. En ce moment, j'ai la certitude d'être aimée autant qu'une femme peut être aimée sur cette terre, et j'ai foi dans cette adorable vie conjugale où j'apporte un amour que je ne connaissais pas. Oui, j'éprouve enfin le plaisir de la passion ressentie. Ce que toutes les femmes demandent aujourd'hui à l'amour, le mariage me le donne. Je sens en moi pour Gaston l'adoration que j'inspirais à mon pauvre Felipe. Je ne suis pas maîtresse de moi, je tremble devant cet enfant comme l'Abencerrage tremblait devant moi. Enfin, j'aime plus que je ne suis aimée. J'ai peur de toutes choses, j'ai les frayeurs les plus ridicules, j'ai peur d'être quittée. Je tremble d'être vieille et laide quand Gaston sera toujours jeune et beau. Je tremble de ne pas lui plaire assez. Cependant, je crois posséder les facultés, le dévouement, l'esprit nécessaire pour, non pas entretenir, mais faire croître cet amour loin du monde et dans la solitude. Si j'échouais, si le magnifique poème de cet amour secret devait avoir une fin, que dis-je une fin? Si Gaston m'aimait un jour moins que la veille, si je m'en aperçois, René, sache-le, ce n'est pas à lui, mais à moi que je m'en prendrai. Ce ne sera pas sa faute, ce sera la mienne. Je me connais, je suis plus amante que mère. Aussi te le dis-je d'avance, je mourrai quand même j'aurai des enfants. Avant de me lier avec moi-même, ma Renée, je te supplie donc, si ce malheur m'atteignait, de servir de mère à mes enfants. Je te les aurai légués. Ton fanatisme pour le devoir, tes précieuses qualités, ton amour pour les enfants, ta tendresse pour moi, tout ce que je sais de toi me rendra la mort moins amère. Je n'ose dire douce. Ce parti pris avec moi-même ajoute je ne sais quoi de terrible à la solennité de ce mariage. Aussi n'y veux-je point de témoins qui me connaissent. Aussi mon mariage sera-t-il célébré secrètement. Je pourrais trembler à mon aise. Je ne verrai pas dans tes chers yeux une inquiétude. Et moi seul saurai qu'en signant un nouvel acte de mariage, je puis avoir signé mon arrêt de mort. Je ne reviendrai plus sur ce pacte fait entre moi-même et le moi que je vais devenir. Je te l'ai confiée pour que tu connusses l'étendue de tes devoirs. Je me marie séparée de biens, et tout en sachant que je suis assez riche pour que nous puissions vivre à notre aise, Gaston ignore quelle est ma fortune. En 24 heures, je distribuerai ma fortune à mon gré. Comme je ne veux rien d'humiliant, j'ai fait mettre 12 000 francs de rente à son nom. Il les trouvera dans son secrétaire la veille de notre mariage. Et s'il ne les acceptait pas, je suspendrai tout. Il a fallu la menace de ne pas l'épouser pour obtenir le droit de payer ses dettes. Je suis lasse de t'avoir écrit ces aveux. Après-demain, je t'en dirai davantage, car je suis obligé d'aller demain à la campagne pour toute la journée. 20 octobre. Voici quelles mesures j'ai prises pour cacher mon bonheur, car je souhaite éviter toute espèce d'occasion à ma jalousie. Je ressemble à cette belle princesse italienne qui courait comme une lionne ronger son amour dans quelque ville de Suisse, après avoir fondu sur sa proie comme une lionne. Aussi ne te parlais-je de mes dispositions que pour te demander une autre grâce, celle de ne jamais venir nous voir sans que je t'en aie prié moi-même, et de respecter la solitude dans laquelle je veux vivre. J'ai fait acheter il y a 2 ans, au-dessus des étangs de Ville d'Avray, sur la route de Versailles, une 20aine d'arpents de prairies, une lisière de bois et un beau jardin fruitier. Au fond des prés, on a creusé le terrain de manière à obtenir un étang d'environ 3 arpents de superficie, au milieu duquel on a laissé une île, gracieusement découpée. Les 2 jolies collines, chargées de bois, qui encaissent cette petite vallée, filtrent des sources ravissantes qui courent dans mon parc, où elles sont savamment distribuées par mon architecte. Ces eaux tombent dans les étangs de la couronne, dont la vue s'aperçoit par échappée. Ce petit parc, admirablement bien dessiné par cet architecte, est, suivant la nature du terrain, entouré de haies, de murs, de sauts de loups, en sorte qu'aucun point de vue n'est perdu. À mi-côte, flanqué par les bois de la Ronce, dans une délicieuse exposition et devant une prairie inclinée vers l'étang, on m'a construit un chalet dont l'extérieur est en tout point semblable à celui que les voyageurs admirent sur la route de Sion à Brigue, et qui m'a tant séduite à mon retour d'Italie. À l'intérieur, son élégance défie celle des chalets les plus illustres. À 100 pas de cette habitation rustique, une charmante maison qui fait fabrique communique au chalet par un souterrain et contient la cuisine, les communs, les écuries et les remises. De toutes ces constructions en briques, l'œil ne voit qu'une façade d'une simplicité gracieuse et entourée de massifs. Le logement des jardiniers forme une autre fabrique et masque l'entrée des vergers et des potagers. La porte de cette propriété, cachée dans le mur qui sert d'enceinte du côté des bois, est presque introuvable. Les plantations, déjà grandes, dissimuleront complètement les maisons en 2 ou 3 ans. Le promeneur ne devinera nos habitations qu'en voyant la fumée des cheminées du haut des collines, ou dans l'hiver, quand les feuilles seront tombées. Mon chalet est construit au milieu d'un paysage copié sur ce qu'on appelle le jardin du roi à Versailles, mais il a vu sur mon étang et sur mon île. De toutes parts, les collines montrent leur masse de feuillage, leurs beaux arbres si bien soignés par ta nouvelle liste civile. Mes jardiniers ont l'ordre de ne cultiver autour de moi que des fleurs odorantes et par milliers, en sorte que ce coin de terre est une émeraude parfumée. Le chalet, garni d'une vigne vierge qui court sur le toit, est exactement empaillé de plantes grimpantes, de houblons, de clématites, de jasmin, d'azaléa, de cobéa. Qui distinguera nos fenêtres pourra se vanter d'avoir une bonne vue. Ce chalet, ma chère, est une belle et bonne maison, avec son calorifère et tous les emménagements qu'a su pratiquer l'architecture moderne qui fait des palais dans 100 pieds carrés. Elle contient un appartement pour Gaston et un appartement pour moi. Le rez-de-chaussée est pris par une antichambre, un parloir et une salle à manger. Au-dessus de nous se trouvent 3 chambres destinées à la nourricerie. J'ai 5 beaux chevaux, un petit coupé léger et un milord à deux chevaux, car nous sommes à 40 minutes de Paris. Quand il nous plaira d'aller entendre un opéra, de voir une pièce nouvelle, nous pourrons partir après le dîner et revenir le soir dans notre nid. La route est belle et passe sous les ombrages de notre haie de clôture. Mes gens, mon cuisinier, mon cocher, le palefrenier, les jardiniers, ma femme de chambre, sont de fort honnêtes personnes que j'ai cherchées pendant ces 6 derniers mois et qui seront commandées par mon vieux Philippe. Quoique certaines de leur attachement et de leur discrétion, je les ai prises par leur intérêt. Elles ont des gages peu considérables, mais qui s'accroissent chaque année de ce que nous leur donnerons au jour de l'an. Tous savent que la plus légère faute, un soupçon sur leur discrétion, peut leur faire perdre d'immenses avantages. Jamais les amoureux ne tracassent leurs serviteurs, ils sont indulgents par caractère. Ainsi, je puis compter sur nos gens. Tout ce qu'il y avait de précieux, de joli, d'élégant dans ma maison de la rue du Bac se trouve au chalet. Le Rembrandt est ni plus ni moins qu'une croûte dans l'escalier. L'Obéma se trouve dans son cabinet en face de Rubens. Le Titien, que ma belle-sœur Marie m'a envoyé de Madrid, orne le boudoir. Les beaux meubles trouvés par Felipe sont bien placés dans le parloir, que l'architecte a délicieusement décoré. Tout au chalet est d'une admirable simplicité, de cette simplicité qui coûte 100 000 francs. Construit sur des caves en pierre meulière, assise sur du béton, notre rez-de-chaussée, à peine visible sous les fleurs et les arbustes, jouit d'une adorable fraîcheur sans la moindre humidité. Enfin, une flotte de cygnes blancs vogue sur l'étang. Ô René, il règne dans ce vallon un silence à réjouir les morts. On y est éveillé par le chant des oiseaux ou par le frémissement de la brise dans les peupliers. Il descend de la colline une petite source trouvée par l'architecte en creusant les fondations du mur du côté des bois, qui court sur du sable argenté vers l'étang entre deux rives de cresson. Je ne sais pas si quelque somme peut la payer. Gaston ne prendra-t-il pas ce bonheur trop complet en haine? Tout est si beau que je frémis. Les vers se logent dans les bons fruits, les insectes attaquent les fleurs magnifiques. N'est-ce pas toujours l'orgueil de la forêt que ronge cette terrible larve brune dont la voracité ressemble à celle de la mort? Je sais déjà qu'une puissance invisible et jalouse attaque les félicités complètes. Depuis longtemps, tu me l'as écrit, d'ailleurs, et tu t'es trouvé prophète. Quand, avant-hier, je suis allé voir si mes dernières fantaisies avaient été comprises, j'ai senti des larmes me venir aux yeux, et j'ai mis sur le mémoire de l'architecte, à sa très grande surprise, bon à payer. « Votre homme d'affaires ne paiera pas, madame, » m'a-t-il dit. « Il s'agit de 300 000 francs. » J'ai ajouté, sans discussion, en vrai Chaulieu du XVIIe siècle. « Mais, monsieur, lui dis-je, je mets une condition à ma reconnaissance. Ne parler de ces bâtiments et du parc à qui que ce soit. Que personne ne puisse connaître le nom du propriétaire. Promettez-moi sur l'honneur d'observer cette clause de mon paiement. » Comprends-tu maintenant la raison de mes courses subites, de ces allées et venues secrètes? Vois-tu où se trouvent ces belles choses qu'on croyait vendues? Saisis-tu la haute raison du changement de ma fortune? Ma chère, aimer est une grande affaire, et qui veut bien aimer ne doit pas en avoir d'autre. L'argent ne sera plus un souci pour moi. J'ai rendu la vie facile, et j'ai fait une bonne fois la maîtresse de maison, pour ne plus avoir à la faire, excepté pendant 10 minutes tous les matins avec mon vieux majordome Philippe. J'ai bien observé la vie et ses tournants dangereux. Un jour, la mort m'a donné de cruels enseignements, et j'en veux profiter. Ma seule occupation sera de lui plaire et de l'aimer, de jeter la variété dans tout ce qui paraît si monotone aux êtres vulgaires. Gaston ne sait rien encore. À ma demande, il s'est, comme moi, domicilié sur Ville-d'Avray. Nous partons demain pour le chalet. Notre vie sera là peu coûteuse, mais si je te disais pour quelle somme je compte ma toilette, tu dirais, et avec raison, elle est folle. Je veux me parer pour lui tous les jours, comme les femmes ont l'habitude de se parer pour le monde. Ma toilette à la campagne, toute l'année, coûtera 24 000 francs, et celle du jour n'est pas la plus chère. Lui peut se mettre en blouse s'il le veut. Ne va pas croire que je veuille faire de cette vie un duel et m'épuiser en combinaison pour entretenir l'amour. Je ne veux pas avoir un reproche à me faire. Voilà tout. J'ai 13 ans à être jolie femme. Je veux être aimée le dernier jour de la 13e année, encore mieux que je ne le serai le lendemain de mes noces mystérieuses. Cette fois, je serai toujours humble, toujours reconnaissante, sans paroles caustiques, et je me fais servante, puisque le commandement m'a perdu une première fois. Ô René, si, comme moi, Gaston a compris l'infini de l'amour, je suis certaine de vivre toujours heureuse. La nature est bien belle autour du chalet. Les bois sont ravissants. À chaque pas, les plus frais paysages, des points de vue forestiers, font plaisir à l'âme en réveillant de charmantes idées. Ces bois sont pleins d'amour, pourvu que j'aie fait autre chose que de me préparer un magnifique bûcher. Après-demain, je serai Madame Gaston. Mon Dieu, je me demande s'il est bien chrétien d'aimer autant un homme. Enfin, c'est légal, m'a dit notre homme d'affaires, qui est un de mes témoins et qui, voyant enfin l'objet de la liquidation de ma fortune, s'est écrié « J'y perds une cliente. Toi, ma belle biche, je n'ose plus dire « aimer ». Tu peux dire « J'y perds une sœur ». Mon ange adresse désormais à Madame Gaston, poste restante à Versailles. On ira prendre nos lettres là tous les jours. Je ne veux pas que nous soyons connus dans le pays. Nous enverrons chercher toutes nos provisions à Paris. Ainsi, j'espère pouvoir vivre mystérieusement. Depuis un an que cette retraite est préparée, on n'y a vu personne, et l'acquisition a été faite pendant les mouvements qui ont suivi la révolution de juillet. Le seul être qui se soit montré dans le pays est mon architecte. On ne connaît que lui qui ne reviendra plus. Adieu. En t'écrivant ce mot, j'ai dans le cœur autant de peine que de plaisir. N'est-ce pas te regretter aussi puissamment que j'aime Gaston ? Fin de la 49e section. Cinquantième section des scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scène de la vie privée, tome 2. Mémoire de deux jeunes mariés par Honoré de Balzac. 49. Marie Gaston à Daniel d'Arthez. Octobre 1834. Mon cher Daniel, j'ai besoin de deux témoins pour mon mariage. Je vous prie de venir chez moi demain soir en vous faisant accompagner de notre ami, le bon et grand Joseph Bridau. L'intention de celle qui sera ma femme est de vivre loin du monde et parfaitement ignorée. Elle a pressenti le plus cher de mes vœux. Vous n'avez rien su de mes amours, vous qui m'avez adouci les misères d'une vie pauvre. Mais, vous le devinez, ce secret absolu fut une nécessité. Voilà pourquoi, depuis un an, nous nous sommes si peu vus. Le lendemain de mon mariage, nous serons séparés pour longtemps. Daniel, vous avez l'âme faite à me comprendre. L'amitié subsistera sans l'ami. Peut-être aurai-je parfois besoin de vous, mais je ne vous verrai point, chez moi du moins. Elle est encore allée au-devant de nos souhaits en ceci. Elle m'a fait le sacrifice de l'amitié qu'elle a pour une amie d'enfance qui pour elle est une véritable sœur. J'ai dû lui immoler mon amie. Ce que je vous dis ici vous fera sans doute deviner non pas une passion, mais un amour entier, complet, divin, fondé sur une intime connaissance entre les deux êtres qui se lient ainsi. Mon bonheur est pur, infini. Mais, comme il est une loi secrète qui nous défend d'avoir une félicité sans mélange, au fond de mon âme et ensevelie dans le dernier repli, je cache une pensée par laquelle je suis atteint tout seul, et qu'elle ignore. Vous avez trop souvent aidé ma constante misère pour ignorer l'horrible situation dans laquelle j'étais. Où puisais-je le courage de vivre lorsque l'espérance s'éteignait si souvent? Dans votre passé, mon ami, chez vous où je trouvais tant de consolation et de secours délicats. Enfin, mon cher, mes écrasantes dettes, elle les a payées. Elle est riche et je n'ai rien. Combien de fois n'ai-je pas dit dans mes accès de paresse, « Ah, si quelque femme riche voulait de moi !» Eh bien, en présence du fait, les plaisanteries de la jeunesse insouciante, le parti pris des malheureux sans scrupule, tout s'est évanoui. Je suis humilié, malgré la tendresse la plus ingénieuse. Je suis humilié, malgré la certitude acquise de la noblesse de son âme. Je suis humilié, tout en sachant que mon humiliation est une preuve de mon amour. Enfin, elle a vu que je n'ai pas reculé devant cet abaissement. Il est un point où, loin d'être le protecteur, je suis le protégé. Cette douleur, je vous la confie. Or ce point, mon cher Daniel, les moindres choses accomplissent mes rêves. J'ai trouvé le beau sans tache, le bien sans défaut. Enfin, comme on dit, la mariée est trop belle. Elle a de l'esprit dans la tendresse, elle a ce charme et cette grâce qui mettent de la variété dans l'amour. Elle est instruite et comprend tout. Elle est jolie, blonde, mince et légèrement grasse, à faire croire que Raphaël et Rubens se sont entendus pour composer une femme. Je ne sais pas s'il m'eût jamais été possible d'aimer une femme brune autant qu'une blonde. Il m'a toujours semblé que la femme brune était un garçon manqué. Elle est veuve, elle n'a point eu d'enfant, elle a 27 ans. Quoique vive, alerte, infatigable, elle sait néanmoins se plaire aux méditations de la mélancolie. Ses dons merveilleux n'excluent pas chez elle la dignité ni la noblesse. Elle est imposante. Quoiqu'elle appartienne à l'une des vieilles familles les plus entichées de noblesse, elle m'aime assez pour passer par-dessus les malheurs de ma naissance. Nos amours secrets ont duré longtemps. Nous sommes éprouvés l'un l'autre. Nous sommes également jaloux. Nos pensées sont bien les deux éclats de la même foudre. Nous aimons tous deux pour la première fois, et ce délicieux printemps a renfermé dans ses joies toutes les scènes que l'imagination a décorées de ses plus riantes, de ses plus douces, de ses plus profondes conceptions. Le sentiment nous a prodigué ses fleurs. Chacune de ses journées a été pleine, et, quand nous nous quittions, nous nous écrivions des poèmes. Je n'ai jamais eu la pensée de ternir cette brillante saison par un désir, quoique mon âme en fût sans cesse troublée. Elle était veuve et libre. Elle a merveilleusement compris toutes les flatteries de cette constante retenue. Elle en a souvent été touchée aux larmes. Tu entreverras donc, mon cher Daniel, une créature vraiment supérieure. Il n'y a pas même eu de premier baiser de l'amour. Nous nous sommes craints l'un l'autre. Nous avons, m'a-t-elle dit, chacun une misère à nous reprocher. Je ne vois pas la vôtre. Mon mariage, a-t-elle répondu. Vous qui êtes un grand homme et qui aimez une des femmes les plus extraordinaires de cette aristocratie où j'ai trouvé mon Armande, ce seul mot vous suffira pour deviner cette âme et quel sera le bonheur de... votre ami, Marie Gaston. Fin de la 50e section.